Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. Soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'intérêt ludique sur les ondes de CJMDFM 96.9 à Lévis. Et oui, mesdames et messieurs, une grosse émission cette semaine qui s'en vient parce que, comme vous le savez pour la plupart d'entre vous, cette semaine, c'est le E3, donc l'exposition de l'année, la plus grosse manifestation vidéoludique de l'année. Donc, on a les nouveautés, même qui sont annoncées beaucoup trop d'avance, selon moi, mais qui sont annoncées quand même. Donc, on va en parler aujourd'hui. Moi-même, Mickaël Michaud, votre animateur, toujours content d'être là, et en compagnie de M. Andrew Castegan. Salut, Andrew! Nah. Qu'est-ce que t'as là? Trop de vidéos à écouter. Ouais, ben là, il y a pas mal de stock. Mais au moins, celle du côté de Nintendo, c'était pas si long que ça. On pourra en parler un peu plus tard dans l'émission. La moins longue avec à peu près la même quantité de contenu d'annoncé. Ouais, ben c'était, j'étais bien content de l'avoir, celle-là en tout cas. D'autres, c'était un peu trop long à mon goût, mais quand même, en général, je suis assez content de mon E3, j'ai ça à vous dire pour le moment, mais on va continuer ça un peu plus tard, évidemment, dans l'émission. On va vous parler, on va y aller par compagnie, finalement, on va vous parler de ça pendant les deux prochaines heures. Donc, restez à l'écoute. On va vous parler, bien évidemment, de Microsoft, de Nintendo, de Sony, on va vous parler de EA, donc Electronic Arts, et de Ubisoft aussi, et certaines autres petites nouvelles à travers ce qui a été annoncé au E3. Donc, préparez-vous, ça va être un 2 heures assez rempli, mesdames et messieurs. Je voulais... Oui, monsieur Castegan, je croyais que vous vouliez ajouter quelque chose avec votre mouvement de tête. C'est moi qui est trop à l'affût. Effectivement. je ne faisais que préparer les choses, monsieur Michaud. Mais en fait, je voulais dire, je voulais faire le rappel à tout le monde qu'en fin de semaine, je vais faire ça tout de suite avant de l'oublier, qu'en fin de semaine, c'est la journée, les journées ludiques de Québec. Andrew, il sera d'ailleurs au Centre Michel Labadie à Québec. On vous en a parlé la semaine passée avec Louis-Étienne, et c'est à surveiller. Allez sur le site, en fait sur la page Facebook de Puissance Maximale, on a mis beaucoup d'informations qui sont sorties cette semaine sur ce qui va se passer en fin de semaine, ou tout simplement taper journée ludique. En fait, je pense que je vais mettre ça directement sur la page Facebook de l'émission. Ben donc ça. Direct là, parce que vous savez, mesdames et messieurs, Puissance Maximale, c'est avant tout un site internet. Rendez-vous au www.puissancemaximale.com pour avoir toutes, finalement, les informations qu'il vous faut, surtout pour écouter nos anciennes émissions, les podcasts et les entrevues. Et bien évidemment, on vous invite à vous rendre sur le Facebook. Le fake book. Ah ouais. Ben, le faux livre. Le faux livre. En fait, non, la page Facebook de Puissance Maximale, parce que là-dessus, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut comme information. Comme mettre la page Facebook des Journées Ludiques, ben, ça va être directement sur notre page Facebook à nous. Appuyez sur le bouton j'aime, parce que grâce à ça, vous allez avoir les informations rapidement. Mais en plus, en faisant ça, ben, vous pouvez participer au concours de la semaine à Puissance Maximale pendant tout l'été, en collaboration avec Mme Pink Vivi, notre amie Véronique, qui fait tirer des petits goodies. Là, cette semaine, on a des signets Pac-Man, Tetris et Space Invaders, des petits macarons également, qui sont disponibles pour le concours. Donc, c'est pas compliqué. Vous allez aimer la page de Puissance Maximale. Vous aimez la page de Bing Vivi aussi. Toutes les informations sont avec, finalement, l'image de Puissance Maximale. C'est vraiment pas compliqué. Donc, juste besoin de vous y rendre immédiatement. Aimez la page, les deux pages, et partagez la photo. Et dans une semaine, vous saurez qui a gagné. Et là, on va avoir un gagnant à la fin de l'émission pour celui de la semaine passée. On va tout vous dire ça plus tard dans l'émission. Hourah! Voilà. Donc, et ce que je voulais dire aussi, c'est que avec les journées ludiques, là, vous allez vous chercher vos informations sur la page Facebook. Mais il y a aussi nos amis de La Revanche qui vont être là. La Revanche, d'ailleurs, la semaine passée, qui nous avait fait une super belle promo pour les gens qui voulaient se procurer le jeu dont on avait parlé, donc King of Tokyo. Mais là, en plus, vous savez, il y a GeekFest Québec qui est dans un peu moins d'un mois, qui s'en vient, Animoilou. Mais là, mettons, là, tu fais, j'aurais aimé ça acheter ma passe en pré-vente un peu moins cher. Ben, c'est encore possible de le faire si vous allez aux journées ludiques, entre autres. Possibilité d'aller acheter une passe là, mais aussi... En allant ou pas La Revanche. Tout à fait. Donc, c'est pas compliqué. C'est à place de l'avoir à 15, par exemple, vous allez l'avoir à 20$, un petit peu plus cher, mais moins cher quand même qu'à la porte. Donc, juste vous rendre directement au Pub La Revanche, aller acheter votre passe pour le GeekFest aussi là-bas, ou en fin de semaine, si vous êtes à aux Journées ludiques à Québec, bien, profitez-en pour acheter votre laissez-passer. Voilà, je pense que les annonces ont été faites, M. Castegan. Avant de se lancer dans le vif du sujet, donc le E3, bien, on va aller en musique. Évidemment, on va y aller avec une... Je voulais juste dire quelque chose. Oui, vas-y. Le jeu de la semaine au Pub La Revanche est Zombicide, qui a 25% de rabais sur toutes ses extensions. Donc, si vous êtes, si vous avez le jeu, vous voulez vous acheter des extensions, bien, c'est le meilleur moment pour y aller. Aller au Pub La Revanche, vous allez avoir un rabais cette semaine. Je pense que c'est 25%, ça dit, c'est ça? 25% sur toutes les extensions du jeu Zombicide. Voilà. Et il y a une soirée spéciale dès 19h demain. Donc, c'est un rendez-vous demain pour aller jouer à Zombicide au Pub La Revanche. Et bien évidemment, si vous êtes intéressé à vous le procurer, ben go et rego. Voilà, c'est dit. Et M. Castegan, avant de passer au E3 pour le reste de l'émission, ben on va aller en musique. Évidemment, on va y aller avec un choix musical. La seule toune de l'émission, non? Non. Ah. Il va y en avoir quand même quelques-unes, mais il risque d'en avoir peut-être un peu moins que les autres émissions parce qu'on va parler beaucoup aujourd'hui. En fait, ça va être une chanson du groupe Power Glove. Pourquoi Eric n'est pas là? C'est là que ça prendrait du bois. Ah, ben non, c'est ça. Et donc, la chanson qu'on va entendre, c'est Mario Miner de Power Glove, donc une reprise des thèmes de Mario par nos amis, parce qu'on les connaît personnellement, bien évidemment, le groupe Power Glove. Donc, on vous envoie ça dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. To the Et oui, de retour à puissance maximale, après la gang de Power Glove et Mario Miner que vous venez d'entendre, cette belle reprise. Et là, mesdames et messieurs, on va vous parler du E3, ben oui, comme on l'a annoncé en début d'émission. Et là, on va vous parler de ça pendant 2 heures, ben oui, parce qu'il y a quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annonces. Écoutez, de base, on va commencer par Microsoft, mais disons, on pourrait peut-être donner notre avis général de ce qui se passe présentement à Los Angeles. On va dire ça quand même. Parce que c'est pas fini encore, c'est encore en cours. Ben oui, tout à fait. Il reste une journée et demie à peu près. Là. Ça finit demain, la dernière journée. Ouais. Et là, en fait, cette année, on est une première année où on a les consoles de nouvelle génération qui sont sur place, qui sont établies, qui ont commencé à faire... Ou du moins qu'essayent. Wii U. Ouais, c'est ça, qui essayent. En fait, même Wii U, ça fait... ça fait déjà plus qu'un an qu'elle l'essaye. Mais là, on a ces compagnies-là qui ont leur bébel. Et maintenant, on est en droit de vouloir avoir finalement des annonces de jeux. Puis on arrête de tourner autour du pot. Puis cette année, c'est ça qui se passe. Bizarrement, habituellement, ça fait à peu près 5 ans que je suis ça, les E3, puis à chaque année, il y a tout le temps, et voici un nouvel accessoire, voici un nouveau, tu sais, il y a tout le temps de quoi... de rajouter sur la... C'est une nouvelle politique. Ouais, c'est ça, les nouvelles. Mais cette année... On s'excuse d'avoir failé l'année dernière avec la nouvelle politique. Genre... Mais cette année, on parle de jeux. Je suis bien content. Puis on n'a pas entendu trop souvent le terme innovateur. Non. On a entendu nouveau. On a entendu beaucoup le futur. Le futur de, t'sais, du gaming... Le futur du divertissement vidéoludique, tu sais. Traduction en français, bien évidemment, mais tu sais, l'avenir de cette industrie-là, puis on sent que les compagnies sont en mode écoute. On l'a entendu beaucoup de la part de Sony avec une portion, on va en parler tantôt, de leur conférence, mais Microsoft aussi l'ont dit au début, puis à la fin de leur conférence, on vous a écouté. On vous remercie de nous avoir parlé. Nintendo font enfin des annonces de jeux. Enfin. Enfin, dont la bonne partie est datée. Pour 2014, une bonne partie. C'est ça. Donc là, on s'en face. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un E3 où j'étais aussi content. Il y a pas des grosses annonces comme des annonces de consoles ou whatever, mais on a du gros. On a ce qu'on veut. On veut des jeux, c'est ce qu'on a cette année. Oui. Et Microsoft, cette année, en tout cas selon moi, j'ai vu, je les annonce d'à peu près toutes, mais moi j'ai vu personnellement Microsoft, Sony, Nintendo et Ubisoft. Moi j'ai toutes vues. Puis moi il manque juste rien. Moi je l'ai vu. Puis selon moi, là, avec ce que j'ai vu, Microsoft a eu la conférence, ma foi, la plus intéressante. Un stage so-so, ça, le décor, tout ça, c'était... Ouais, ben c'est... Non, ben tu sais, je comprends le concept, là. Ils ont mis beaucoup de l'avant le principe qu'il y avait beaucoup de jeux de coop à 4 joueurs, puis tout ça qu'on va élaborer tantôt avec la liste de qu'est-ce qu'ils ont présenté. Je comprends le concept, mais c'est juste parce que pour le visionnement web, l'effet était moins... Ouais, non, c'est ça. Peut-être que sur place... C'était l'idéal. Ça avait l'air d'être un beau concept de scène. C'est ça, sur place, c'était peut-être autre chose. Mais tu sais, pour la diffusion, c'était à cause de la caméra. Elle savait plus où se garrocher, là, à un moment donné. Là, c'est ça, mais c'est pas si mal. Mais sinon, au niveau du contenu, on a prononcé les mots Kinect 2 fois dans la conférence. C'est tout. Puis on n'a pas eu d'acteurs qui jouent, puis qui fait semblant. Ça a été ma petite déception. J'attendais ça. À chaque année, il y a ça, mais, normalement. Non, mais c'est une déception, plus ou moins, parce que d'un autre côté, ils ont fini par nous écouter. Non, moi, il n'y a aucune déception. Je suis assez content qu'ils n'aient pas parlé. Ils ont fini par nous écouter. À chaque année, on a toujours dit, Microsoft, tant qu'à faire une démonstration avec des enfants... qui sont pas des acteurs, ou encore mettre un acteur qui est pas crédible à jouer à la Kinect. Non, c'est ça. Faites donc pas de démonstration. Mais ils nous ont écouté. Ils l'ont pas fait. Mais d'un autre point de vue, après 3 ans de suite où ils le faisaient, je m'attendais à avoir une scène semi-humoristique avec des Kinect, mais il y en a pas eu. Non, c'est ça. Mais pas de Kinect. On a parlé que de jeux. On n'a même pas parlé d'autres accessoires non plus. On a vraiment parlé que des jeux. Franchement, impressionné par Microsoft. Habituellement, c'est celle qui me déçoit à chaque année. Mais Microsoft, cette année, chapeau bas, tout thumbs up. Là, vraiment, très content. Et bien évidemment, ça a été focusé sur la console et beaucoup sur les exclusivités. cette année, je pense que c'est ça le mot. Au niveau de Sony et de Microsoft, leurs conférences ont beaucoup été axées là-dessus. Les exclusivités, autant au niveau vraiment exclusivité ou les premières. Genre, vous serez disponible en premier sur notre console. Ça, faisons beaucoup... référence à Destiny ici là, pour Sony. La, ouais, la part de Sony. Pour Microsoft, ben là, les exclusivités, il y en a quand même pas mal. Puis au niveau, ben, eux autres, c'est Call of Duty. Ils ont commencé le show avec ça. Pas vraiment de surprise. Là, comme à chaque année, là, mais une séance de jeu quand même un peu longue. Là. Ouais, un peu trop longue. Ça, je dois l'avouer, mais j'ai été intéressé. Cette année, je te dis, c'est vraiment... Je sais pas ce qui se passe. C'est Sledgehammer. Hammer. C'est eux qui ont fait Modern Warfare. Ouais, le premier dont on parlait, qui a été le plus intéressant dans l'ère... Moderne. La nouvelle ère, là, c'est ça, des Call of Duty. Et là, avec Advanced Warfare, selon moi, on tombe dans une ère de science-fiction. Au niveau des combats urbains, il y a vraiment des trucs vraiment intéressants. Moi-même, je pensais pas dire ça, parce que ça fait longtemps que j'ai pas dit ça dans Call of Duty. Il y a un grappin. C'est dans Battlefield qu'il y a un grappin. Un grappin, j'ai rien dit. Et là, dans Call of Duty, on est vraiment en mode, c'est ça, science-fiction. On a des jetpacks un peu qui nous permettent de sauter ouais, plus ça, haut. C'est lui qui a des jetpacks. C'est ça. On a des armes, c'est ça. On a des trucs ultra sophistiqués. Non, c'est ça. C'est pas trop moderne. C'est pas comme Ghost, là, exemple. Là. C'était-tu Ghost ou l'autre devant? Bref, il y a un des Call of Duty là, qui était plus moderne, là, plus avec des drones et des affaires de même. Là. Celui-là, il est entre les deux. Là, dans le fond, il est pas trop futuriste, mais il est pas trop... Ouais. Mais l'Advanced Warfare, cette affaire, j'ai vraiment été... Je suis curieux, j'ai hâte d'y jouer. Contrairement aux autres, il y en a que j'ai quand même skippé. Ça, j'ai hâte de voir ce qu'ils ont fait avec les possibilités qu'on va avoir justement avec... les nouveautés au niveau science-fiction. Ben, parce que moi, je qualifie ça de science-fiction. Là, avec le genre d'armes qu'on a, puis justement là, les jetpacks, puis les possibilités que ça amène. Vraiment, j'étais content de voir ça. Et il y a d'autres... Il y a d'autres jeux très, très hot qui s'en viennent. Mais c'est pas juste pour Microsoft, on va en revenir, mais dans le jeu de tir, là, ça va être une grosse année, j'ai ça à vous dire. Donc, Call of Duty, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose à ça de ton côté, Andrew. Ben, on va lui laisser une chance, là. Ouais, non, mais c'est en fait, c'est ça. En fait, contrairement à Ghost, au moins, ils ont pas fait de discours « c'est innovateur, il y a un chien qui vous suit ». Non, c'est ça, c'est... En fait, ça a été très modeste, il n'y a pas eu vraiment de commentaires suite à ça, ils ont juste sorti ça, ils ont dit « vous avez vu comment c'est beau sur Xbox One, ça a de l'air cool ». Voilà, on passe à autre chose. Il va y avoir évidemment les DLC qui vont être temporairement disponibles en exclusivité sur Xbox One. Mais à part ça, ils n'ont pas... la tête de la division Xbox a changé chez Microsoft cette année. Ça paraît. Il y a des changements qui sont arrivés au niveau marketing, au niveau publicité. Ouais, parce que là, ils ne se sont pas mis le pied dans la bouche. Non, là, ils sont vraiment... Ils étaient là cette année. Autre jeu qui a été présenté, moi j'ai fait... Et là, ce jeu-là a été présenté et ça rentre finalement dans... Une grosse mode qui s'en vient au niveau de Microsoft. Et je pense que dans les prochaines années, le co-op gaming avec la possibilité... Et là, je parle du jeu Evolve qui a été développé par la gang qui ont fait Left 4 Dead. Ouais. Donc, un jeu... En gros, si on est quatre types de personnages... Avec des classes différentes. Avec des classes différentes. Il y a un gars d'assaut. Il y a un gars qui fait un medic. Un support qui fait, évidemment, un steel machiniste, je pense, là, qui a des... qui peut mettre justement des turrets, des affaires de même. Un autre perso aussi qui me revient. Le nom ne me revient pas. On les voit très brièvement dans la vidéo. Non, ils n'ont pas élaboré le. Puis, on a ces quatre personnages-là qui attaquent finalement des monstres. C'est des chasseurs de monstres. Oui. Puis ça bastonne à ce niveau-là. Et là, vous pouvez jouer les quatre personnages qui attaquent des monstres. Et là, si maintenant on veut jouer, on est cinq. Mais la cinquième personne peut jouer le monstre. Ça. C'est pas mal nouveau de cette année. Et là, chez Microsoft, on va utiliser ça dans plein de jeux. Parce que ce concept-là a vraiment été mis, appliqué à plein de nouveaux jeux qui ont été annoncés. Ce que je trouve cool, j'en parle souvent à l'émission pour les habitués. Vous savez que je suis un friand de co-op gaming en multiplayer. J'aime bien ça. Et là, cette année, je vais vraiment être gâté. Donc, au niveau d'Evolve, c'est à surveiller. Ça a l'air cool. Oui. Petit jeu, ça a pas l'air, tu sais... La gang de Left 4 Dead, de toute façon, c'est les dieux du co-op. Ouais, c'est le fun. Moi, Left 4 Dead, d'ailleurs, je serais dû pour jouer... Il marche toujours pas sur mon Windows 8. Ouais, t'as encore un problème avec ça. Mais... Moi, il va falloir que je réessaye, parce que moi, ça me manque pas mal. Mais, tu sais, cette gang-là qui fait un jeu de chasseur de monstres qui bastonne comme ça et la possibilité de jouer un monstre, Ça sera surveillé, bien évidemment. Mesdames et messieurs, autre gros coup, en fait, ça a été une grosse annonce pendant l'E3 cette année du niveau de Ubisoft, mais on l'a vu en premier à la conférence de Microsoft. C'est bien évidemment le prochain Assassin's Creed Unity, qui va avoir lieu pendant la Révolution française. Je pensais que tu allais dire Just Dance. Just Dance, non. On n'en parlera pas longtemps, en fait, de ce jeu-là, mais qu'on soit rendu à Ubisoft. Tout le monde peut danser. Oui, on sera c'est cool pour les amateurs, mais on n'en parlera pas pendant 20 minutes. Bref, ça pour dire que, écoutez, pour le moment, ce qu'on a vu autant au niveau de Microsoft que d'Ubisoft, ça va être un Assassin's Creed que je pourrais dire classique. Ils nous ont pas montré de nouvelles features à part du co-op. Et là, ouais, ça va être cool. Ça, on va pouvoir jouer à 4 personnes en même temps pour faire des missions. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment. J'ai hâte de voir si on peut faire la story. Ça semblait être un segment de story. Ça va l'air d'être ça. Donc, ça sera évidemment à essayer, parce que moi, ça m'intéresse énormément de pouvoir jouer justement à partir en mode assassin avec mes copains. On va faire la passe aux méchants nobles français pour... évidemment, les assassins sont du côté des révolutionnaires. Donc, on vous rappelle que ça se passe à la fin du 19e siècle, la Révolution française. Donc, ça se passe évidemment en France et... C'est beau à date, ça va être le premier Assassin's Creed complètement nouvelle génération. Black Flag, on avait la possibilité de jouer sur à peu près tous les consoles. C'est un cross-platform. C'est ça. Mais là, on va avoir que d'une nouvelle génération. Déjà, Black Flag, je l'avais vu sur PC, il était extrêmement beau. PS4 aussi, dans les nouvelles générations, il était très beau. Je m'attends pas à plus bas, ça c'est sûr et certain. Il va être moins beau. Non, c'est ça. Ben, remarque, tu sais. Ils ont décidé qu'ils allaient faire ça en graphique de NES. Moi, j'avais trouvé qu'Assassin's Creed 3 avait été moins beau que ses prédécesseurs, donc regarde, on sait jamais. Ouais, mais il était moins bon aussi. Aussi. Donc. Tu pouvais te faire attaquer par un cougar qui sortait d'une roche. Ouais. Tu sais, je l'ai vu chez toi. Les super cougars. Mais, Assassin's Creed, pour le moment, la seule nouveauté, ça va être justement le côté co-op. Sinon, ça a l'air classique. En tout cas, j'ai hâte d'avoir plus. Ça m'intéresse. Le jeu est beau. Le co-op a l'air intéressant. J'ai hâte d'avoir plus. Parce que pour le moment, pas de nouveauté. Moi, Black Flag, je l'ai même pas encore terminé. Je l'ai pas détesté, mais je me suis tanné de jouer. Moi aussi. Ça fait que ce sera... c'est pas un mauvais jeu. Mais en même temps, la sauce est vraiment... Étiré au maximum. Là, il va falloir remettre un peu de crème là-dedans. Il va rajouter un peu de matière. Et là, pour le moment, Ubisoft n'a pas l'air de le faire, mais je suis quand même curieux de voir ce qui s'en vient au niveau d'Assassin's Creed. Moi, je vais traîner ma phrase clé. Ça a de l'air cool, là, mais c'est Ubisoft. Mais c'est Ubisoft, ça, voilà. Autre titre qui a été présenté, Forza Horizon 2, qui va être un concurrent, je crois bien, justement, à The Crew de Ubisoft. Donc, moi, juste ça aussi, Gran Turismo. Aussi, sauf que Forza Horizon 2, à place d'être, moi je peux dire ça, que de la course en circuit, mais là, on a vraiment en mode open world. Ouais, avec un système de météo dynamique. Ouais. Ils ont tellement mis l'emphase là-dessus dans la vidéo ça que flash. C'est juste ça que je me rappelle. Mais on a vu du vidéo, on n'a pas vu de gameplay. Donc là, ça sort le 30 septembre. Ils disaient que c'était du in-game engine. Ouais. Mais bon, moi quand je le vois pas jouer en direct, là. C'est le même principe que la phrase clé d'Ubisoft. Ils disent que c'est du in-game engine, mais c'est le E3. C'est ça. Voilà. Donc, ce sera surveillé pour les amateurs d'automobile parce que ça va l'air quand même assez cool. Vraiment, si vous voulez faire des raids de char, là, pas juste des courses sur circuit fermé, là, ça a l'air vraiment, vraiment intéressant. C'est un beau visuel. Sinon, il y a Scalebound aussi qui a été présenté. Ça, c'est la même gang qui fait Bayonetta. Platinum Games. Sceptique. Ça m'a laissé froid, tout simplement. Même principe, encore le co-op à 4 avec la possibilité d'avoir un cinquième joueur qui joue le gros monstre. Ça rentre dans... D'après ce que j'ai compris, on a un personnage dans un univers médiéval fantastique, là, fantasy. On a un personnage qui combat des monstres et on a un dragon qu'on peut monter qui est notre compagnon. Là, tous nos amis peuvent avoir évidemment un même genre de personnage avec un compagnon monstre ou dragon whatever. Et là, il y a un gros monstre qu'on doit attaquer. Donc, il y a cette possibilité-là. Moi, ça m'a laissé assez froid. Ben, en fait, je trouve que ça ressemble un peu à Monster Hunter. Ah, ouais, peut-être. Sauf que Monster Hunter, ben, c'est une série qui est là depuis plus longtemps. Moi, en tout cas, à la date, ça m'a pas, mettons, ça m'a pas fait, ah mon Dieu, faut que j'aille ça. Sinon, il y a beaucoup, écoute, il y a un jeu qui s'appelle Inside que j'ai vu, qui est un du studio Playdead. Ça a l'air vraiment, mais vraiment intéressant. J'aimerais ça peut-être sortir des... Ben, c'est les mêmes studios qui ont donné naissance à Limbo. Puis je te dirais que Limbo, à la base, je l'avais sur ma Xbox 360. Et non, c'est un excellent jeu. Ça, en tout cas, ben, Limbo, là, je parle. Là, oui. Inside, il n'est pas sorti, fait que je peux pas... Je peux pas commenter, là, mais... Parce que moi, j'ai vu des images, ça a vraiment l'air un beau jeu. Là, j'essaie, là, pendant que je vous parle, j'essaie de vous trouver un exemple à vous montrer. Ouais, j'ai ça ici, parce que je trouvais le visuel quand même intéressant. Bon, je ferai ça pendant la pause, parce que là, pas, sous la main, je ne l'ai pas. Donc, ce serait, je vais vous mettre ça tantôt pendant la pause, mais qu'on change... de constructeur. Donc, Inside à surveiller. Phantom Dust, un jeu qui est sorti en 2004, qui va être ramené à la Xbox One. Mais là, on a eu un trailer, mais ils nous ont pas dit si c'était un remake ou si c'était des... Non plus. Puis t'as sauté un jeu aussi dans ta liste. Ah, ben, bien possiblement. And the Blind Forest, qui est le genre de jeu dessiné à la main, là, où il y avait un genre de petit chat avec un gros bonhomme. Là. Oui. Ça, j'ai trouvé ça beau comme ouais, jeu. Ça a l'air d'être un très beau jeu. Tu sais, on rentre dans les jeux qu'on dit artistiques, là, oui. qui vont au-delà du gameplay. Là. Ça va l'air vraiment un beau jeu, intéressant. Ça va être à surveiller également. Il va y avoir d'autres trucs qui s'en viennent. Un jeu sur lequel j'ai vraiment accroché, Sunset Overdrive. Ouais, ben on l'avait vu l'année passée avec l'annonce de la sortie là, de la Xbox One. Là. Jeu qui semble être un shoot'em all nerveux avec tendance à acrobate. Attendez un peu, j'en ai mes mots. Là. Tendance à faire de l'acrobatie, là, dans le fond, pour faire des points, des combos, des choses comme ça, là, avec des genres de mutants suite à une boisson énergie infectée. Là, fait que ça semble quand même très bien. À tes souhaits, nous, t'avais de la misère. Mais non, c'est ça. J'ai vraiment beaucoup accroché là-dessus. Justement, le côté déjanté, cartoon, bien évidemment, parce que tu sais, des fois, on fait péter des trucs où là, ça fait boum, ça marque boum, ouais. Comme dans une BD. Un rythme assez rapide. Ça y va, c'est le fun. J'ai beaucoup accroché là-dessus. La bande-annonce était sympathique aussi. Ouais, là, je vais vous mettre, parce que j'ai trouvé justement la bande-annonce du E3 pour le jeu Inside dont on vous parlait il y a 2 secondes. Je vais vous mettre ça directement sur la page de Puissance Maximale. Vous pourrez aller voir ça. Donc, on est en tout cas, c'est assez difficile à décrire. Allez voir ça. Ça vaut la peine. C'est une ambiance sombre. Une ambiance sombre avec. On ne sait pas trop ce qui se passe. Allez voir ça. Allez, tout simplement, vous irez voir ça sur la page de Puissance Maximale. C'est vraiment, vraiment un truc qui est intriguant. Moi, ça, j'ai hâte de voir ça de plus près. Donc, au niveau de Sunset Overdrive, comme on disait il y a 2 minutes, vraiment accrocheur. J'ai hâte de voir ça. Sinon, Crackdown. Ouais, ben Crackdown, qui est un genre de GTA Lite au Xbox 360 dans les débuts, où on jouait en fait une genre de firme, de société qui faisait des contrats pour lutter contre le crime organisé. Ben, c'est une tentative de reboot de la franchise. C'est un jeu qui était somme toute intéressant, mais qui a malheureusement pas su s'adapter à la clientèle du open world en frais de jeu. Fait que, ça peut être quand même très intéressant. Puis en plus, selon qu'est-ce qu'on peut voir dans le trailer qui a été fait avec le jeu, on peut voir qu'ils ont ramené aussi la fameuse aspect de coop. Là, ouais, qu'on a soulevé, encore là. Une fois. Donc, ce sera à voir aussi. Ils m'ont moins accroché ce jeu-là. Fable Legends. Oui. Belle surprise. On n'a pas eu beaucoup de détails à part, évidemment, le coop. Parce que là, on vous rappelle, Fable, c'est dans un univers, encore une fois, médiéval fantastique. Il va y avoir 4 personnages. Oui. Donc, un type aventurier, un type mage, un type baston. Aventurier dans le genre Comment je pourrais dire ça? Le héros charismatique. Ouais, c'est avec une rapière, là, puis ouais. Ha ha ha! Puis il fait des bottes secrètes et il va avoir un bonhomme avec une arbalète style voleur un peu. Là. Ouais. Donc il y a ça, mais évidemment, avec le concept qu'on ramène sur plusieurs jeux, ben il est amené aussi dans Fable Legend, 4 joueurs, mais aussi la possibilité d'un 5e, et lui sera le méchant. The Villain. The Villain, en fait, qui va pouvoir envoyer des monstres contre le groupe d'aventuriers. C'est le maître de jeu. Le maître de jeu. C'est que si. Le Evil Mastermind. Du donjon, on va dire ça comme ça. De Villain. C'est ça. Donc, moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Tu sais, justement, dans tous ces concepts-là de 4 contre 1, c'est celui que j'ai trouvé le plus le fun. Avec là, justement, je vais mettre des monstres-là. Puis c'est en temps réel, là. C'est pas vous placez vos affaires à l'avance, sûrement vous pourrez le faire un peu, mais c'est en temps réel, fait que là, pendant que les aventuriers progressent, ben vous pouvez leur envoyer des trucs en temps réel, d'autres gros monstres, mettre des pièges, etc., etc. Fable Legends à surveiller, pas d'autres détails beaucoup, malheureusement. Il y a souvent des jeux comme ça, quand on n'avait pas de gameplay live, on en avait un petit peu, c'était rapide, pas beaucoup de détails, ce sera surveillé. Ça va être à l'automne pour Fable Legends. Et là, sur grosse nouvelle, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai pas entendu s'il y avait un prix qui avait été annoncé. Halo Master Chief Collection. Ouais, ça c'est bien. C'est bien. C'est très, très cool. Moi, je suis pas un gros fan d'Halo, mais j'ai fait vraiment, vraiment un bon coup. Dans le fond, on parle d'un portage de Halo Anniversary Edition. Halo 2 qui va subir le Lifting Anniversary parce que c'était tous les deux des jeux sur Xbox 1 à l'époque. Puis ça va être le 10e anniversaire de Halo 2 cette année. Exactement. Halo 3, Halo 4, tout ça dans la même collection. En 1080p, 60 frames par seconde. Ça, c'est cool. Et en plus, il va avoir une bêta. La bêta de Halo 5 Guardians qui va être à l'automne. Et la série qui s'en vient, Nightfall, qui va être disponible aussi. Donc, en tout cas, j'ai hâte de voir le prix. Dans les features vraiment cool que tu peux faire avec la collection, c'est faire une playlist d'émissions. Oui. Tout mélanger des jeux. Oui. Ça, c'est vraiment malade. Tes émissions favorites. Votre best-of, vous êtes des gros connaisseurs. Vous l'avez déjà fait. Ça me tente de rejouer, mais tout. Vous pouvez faire un best-of, une playlist d'émissions. Ça, j'ai trouvé ça vraiment brillant. Franchement, un beau produit. Puis tous ces jeux-là, là. Un disque. Un disque, tout sur un disque. Donc, non, sans faire, c'est une des très belles annonces de Microsoft qu'ils ont fait pendant leur conférence. Sinon, je vais juste faire une petite mention avant que tu sautes à l'autre nouvelle. Oui! Parce que ça s'est fait annoncer quand même au début, là. On l'avait trouvé bien drôle, puis tu disais, faudrait qu'on trouve le nom complet. Le DLC de Dead Rising 3, un nouveau DLC gratuit. Ben, je crois qu'il est gratuit. Non, il n'est pas gratuit. Mais bref, il est tombé disponible en même temps que le 3. Qui s'appelle Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition EX Plus Alpha Prime. C'est malade. C'est vraiment à fond, là. T'sais, Capcom rit deux autres mêmes. C'est de l'autodérision avec ce DLC-là. Donc, en gros, c'est un mode arcade. Ouais. Puis, vous allez pouvoir avoir les quatre personnages des Dead Rising. Exactement. Que vous allez pouvoir mettre des skins, des cosplays, on va dire ça comme de ça. De Ryu, des personnages de Darkstalker. Plein de personnages de Capcom. Agar. Ouais, ça fait que vous allez pouvoir taper du zombie en coop avec cette possibilité-là. Ouais, pour fêter leur 31e anniversaire. Je trouve ça très drôle parce qu'ils ont mis le logo 30e puis ils ont collé un 1 par-dessus. Là, mais... Voilà. Donc, pour les gens qui ont Dead Rising, que ça a été assez sûr. Pour quel Dead Rising, celui-là? Le 3. Voilà. Donc, sur Xbox One. Donc, allez vous chercher ça. Sinon, rapidement, on nous a confirmé qu'il allait avoir la console vendue sans Kinect qui va être disponible prochainement, je crois. Je pense dès le mois de juin. Sinon, ça, on n'en a pas parlé du tout. Peut-être deux fois, là, on a prononcé ce mot-là à peu près deux fois. Ça, on a parlé un peu de. Il va avoir. Ils ont parlé rapidement de deux jeux, Dance Central, Spotlight, puis Disney Fantasia. Mais pas plus que ça. Pas d'image de jeu non plus. Juste le logo, puis. Sinon, dans les autres titres, rapidement, parce qu'il va falloir passer aux autres, là, on a déjà 36 minutes de fait, ça va vite. Mais on a tellement. Il y a vraiment eu beaucoup d'annonces. De Division. De Ubisoft, Tom Clancy's The Division, ça va être très intéressant. On est dans un New York ravagé par un virus post-apocalyptique. Et là, on fait. Évidemment, on peut y aller en coop, encore une fois. Puis c'est un jeu de tir à la troisième personne, mais vraiment, vraiment intéressant. Il y a eu du gameplay qui a été montré. pendant celle de Microsoft. Et celle d'Ubisoft. Et celle d'Ubisoft aussi. Donc, c'est à surveiller. C'est une des belles annonces du E3. J'ai vraiment hâte de mettre la main là-dessus, de tester ça. Ça a vraiment l'air cool. En gros, je vous dis ça rapidement, mais allez voir sur Internet The Division, Tom Clancy's The Division. Ça va être cool. Ouais, c'est vraiment dans les très beaux jeux. Dragon Age Inquisition. Oui, on a vu encore un petit peu de trailer. Pas vraiment de gameplay. Le gameplay a été au E3. Pas au E3, je veux dire à la conférence de EA. Celle que j'ai pas vue, malheureusement. J'irai voir ça plus tard ce soir. On en reparlera un peu plus tard, Andrew. Sinon, Witcher 3. Là, je m'excuse. Et suite à coulisses de bave. Là, je m'excuse tout de suite, mais hostie que j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de jouer à Witcher 3. Ça va prendre un petit bout encore, mais j'ai vraiment hâte de mettre la main là-dessus. C'est un jeu magnifique, encore une fois. Puis là on a vu justement un gameplay où il chasse justement un griffon. Ça... Il se clenche contre des bandits, puis ça a de l'air assez gore, merci. Oh oui, non, ça, c'est pour ça que j'aime, ça va à fond. Witcher 3, ça va jusqu'au bout. Là. Il se bat à l'épée, donc il y a du sang, puis c'est gore. Puis j'ai vraiment hâte de le voir. Autre grosse annonce, on va terminer rapidement. Rise of the Tomb Raider, donc la suite du reboot de Tomb Raider. Oh oui! On a vu un trailer rapide, rien de gameplay, une annonce, ça ira pas avant un an et demi, d'après ce que j'avais vu. Holidays 2015, c'est ça, donc un an et demi à peu près, avant qu'on ait ça sous la main, j'ai déjà hâte, mais c'était prometteur. Ben, j'aime bien le petit trailer là, où elle est en train de parler à un psychologue. Là, puis, non, c'est ça. Vous faites du progrès, vous êtes moins renfermé. Puis que ça termine sur « Je suis devenu ce que je devais devenir ». Ouais, c'est ça. C'est vraiment c'est bien. Comme... Sinon, rapidement, la grosse place qui a été... Ça, là, Microsoft, chapeau bas, avec le programme ID at Xbox. Un programme pour aider la diffusion du jeu des studios indépendants. Entre autres aussi, les gars, nos amis de Chain Awesome Game de Québec, qui étaient présents. On a vu leur jeu Night Squad lors de la présentation de Microsoft. J'étais très content pour eux autres. Moi, ils sont sur place en plus, là-bas, au E3. J'étais bien content pour eux autres quand j'ai vu passer ça. Puis il y a plein d'autres jeux qui ont été nommés. Donc, ça aussi, c'est des centaines de jeux qui vont être disponibles. Les gens vont pouvoir se développer là-dedans. Vraiment, chapeau bas. On a vu plein de trucs vraiment intéressants, là. Pété raide. Restez à l'affût sur ce qui va être présenté avec le programme ID at Xbox. C'est vraiment, vraiment intéressant. Et rapidement, pour terminer, un jeu qui a été le Project Spark. Qui avait été montré l'année passée, qu'on n'avait pas vraiment de détails, puis qui a été remontré cette année, et qui a fait, excusez-moi l'expression, le plus grand cock tease ever. Et j'ai bien, oui, j'ai dit cock. Ouais, c'est ça. Comme l'organe. Parce que on voit Conker à la fin du jeu, puis j'ai fait, oh yeah! Mais c'est... Un jeu de Conker, mais non, c'est juste un DLC pour Project Spark. Ouais, c'est ça. Project Spark, en gros, qui est un jeu avec lequel on peut faire des jeux. C'est un peu comme le compétiteur de Little Big Planet. Ouais, puis là, on a appris cette année avec une annonce de Nintendo aussi que pas mal toutes les plateformes ont eu ce genre de jeu-là maintenant. On va vous en parler un peu plus tard pour Nintendo. Écoutez, c'est un survol rapide, mais quand même assez complet de ce qui s'est passé chez Microsoft pour les jeux annoncés. Une belle conférence, mais des belles annonces. Je suis surpris sur une chose, par exemple, qui n'avait pas fait une annonce sur une baisse de prix. Il a annoncé sans la Kinect, mais normalement, quand il y a une console qui est plus cher d'une centaine de piastres de son compétiteur, normalement une année après il annonce une baisse de prix avec un bundle ou quoi que ce soit, ou un nouveau bundle pour dire ah il coûte plus cher mais on vous donne du free stuff. C'est ça, mais ça n'a pas été le cas. Ça a été rapidement annoncé puis ils n'ont pas dit qu'il y avait une baisse de prix. Microsoft il reste confiant avec c'est ça. Ben en fait moi sans farce là, les annonces que Microsoft ont faites m'ont fait penser, parce que moi j'achèterais pas de nouvelles consoles avant au moins les fêtes ou peut-être même l'année prochaine. Puis là, Xbox vient officiellement d'entrer dans mon peut-être. Mais ouais, avec le prix, c'est ça qui me fait. Mais sans farce, là. Chapeau. Tu rêves d'avoir une Kinect. Chapeau. Ah oui, tellement. Chapeau à Microsoft pour leur conférence. J'ai beaucoup aimé. Des belles annonces. Voilà. Donc, M. Castegan, avant de passer à Sony, on va aller en musique. Et cette fois-ci, il faut que je remonte parce que j'ai tout mis ça sur la même page. On va aller entendre System of a Down, une petite chanson là, pour nous Continuez à nous stimuler comme ça, là, puis pouvoir continuer à parler de jeux vidéo pendant l'heure et 20 qui reste. Et ça va être la tune Question de System of a Down dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Berries ready for two ghosts are no different than you. Ghosts are now waiting for you, are you? Sweet berries ready for two ghosts are no different than you. Ghosts are now waiting for you, are you? Dreaming, dreaming the night. Than you. Ghosts are now waiting for you, are you? Sweet berries ready for two ghosts are no different than you. Ghosts are now waiting for you, are you? Dreaming, dreaming the night. Dreaming, alright. Listening to Sans Maximal. Et oui, de retour à puissance maximale après System of a Down et Question. Et M. Alexei Pajitnov, créateur de Tetris, qui nous dit qu'il écoute puissance maximale. C'est vrai en plus. Donc voilà, c'est dit, mesdames et messieurs. Et là, il est temps de parler de Sony et de sa conférence. Beaucoup trop longue. Ben en fait, Sony, j'ai bien aimé celle de Microsoft, mais beaucoup trop longue. C'est 1h30. Mais Sony, ça a été la pire à 1h40. Puis je vais être bien franc avec vous, c'est celle qui m'a le moins plu. Des belles annonces au niveau de Sony, pareil. Mais ils peuvent se vanter d'avoir la plus grosse écran. Ouais, mais j'ai pas trippé sur la stage. Je trouvais ça trop drame, trop classique, puis c'était pas assez dynamique. En tout cas, bref, j'ai trouvé ça trop long. Mais quand même, des belles annonces. On va vous en parler immédiatement. T'es capricieux. Oh oui. T'es capricieux. Ouais, ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est les jeux. Pour les... Non, ben aussi, mais quand on écoute Puissance Maximale et quand on s'intéresse à cette scène-là, à la scène vidéoludique, à cette industrie-là, c'est le fun d'analyser aussi au-delà des jeux et des annonces. Comment c'est fait, ces annonces-là? Puis la façon que Sony l'a fait, Ben, c'était drame. En fait, je vais faire un parallèle. Là. Microsoft, là, il était dedans. Moi, j'ai trouvé crinqué au E3. Il annonçait les affaires, là. C'était bam, bam, bam. Puis des fois, il y avait des petits commentaires qui se lâchaient dans la scène. Puis le gars, yeah! Ouais, il répondait. Puis là, des affaires de même. J'arrive à Sony, complet cravate. T'es comme, on est les boss de la place. T'es genre, très confiant, pas punché. T'arrives à Nintendo, aux autres qui disent, oh, nous autres, on est là pour se faire du fun. Ah, Nintendo, c'est pas mal ma préférée. EA, ça a été les douchebags. Les autres, c'était littéralement du douche à l'état pur. Ah, j'ai hâte de la voir. Ah non, hey, quand ils ont tombé sa portion sport, là, c'est comme brr, brr, brr. C'était quasiment de même. Là. Puis Ubisoft, ben c'était la gang qui cassait leur anglais parce qu'il y avait beaucoup trop de francophones. Ouais. Mais on en reparlera à Ubisoft, mais j'aime beaucoup la présentatrice chez Ubisoft. On en parlera tantôt. Mais pour Sony, écoute, dans ce qui a été annoncé, Let It Die, qui a l'air assez... Ça me fait penser à Manhunt, ouais, en fait, de Rockstar. Ça y va en crisse, on va dire ça comme ça. C'est violent, c'est gore, c'est glauque. C'est quoi, c'est pas un jeu de combat, c'est... En fait, c'est un... Je le sais pas, sérieusement. En fait, t'es comme Manhunt, là. C'est un genre de jeu où on était un prisonnier, il fallait tuer des gens, puis t'es... Il y avait une histoire là-dessus. On tuait pas les gens d'une façon très, très... gentille. Tandis que dans ce jeu-là, ça a l'air d'être un genre de tournoi, là. Puis il y a comme le principe que tout le monde se tue, ramasse les pièces des autres pour s'équiper, puis comme le champion de la place, là. Puis il faut le détrôner, là. Ça a l'air d'être un peu ça, là. Parce que ceux qui ont fait ce jeu-là, les Dead Die, c'est la même gang qui ont... C'est Suda 51, la même gang qui ont fait Killer 7, No More Heroes. Killer 7, le jeu que tu connais? Non. C'est pas ça que t'avais sur ton GameCube? Non. Non? Non, c'est pas moi qui l'avais. Il y a un jeu sur ces GameCube que t'as deux autres, par exemple. Ah, bien possible. Je me rappelle pas lequel. Donc, Killer 7, No More Heroes, Killer is Dead, puis aussi, je pense que c'est eux qui avaient fait Lollipop Chainsaw, je crois. Oui, c'est ça. Lollipop Chainsaw. Puis là, je suis allé me chercher un petit complément d'information sur jeuxvideo.com qui nous disent, pour confirmer ce que j'allais dire, justement, c'est que peu de choses ont filtré pour l'instant. Mais on voit que c'est quelque chose de violent, de glauque, de gore. Avec des références justement au cinéma, à la culture geek, des trucs même à des références aux films de Quentin Tarantino, vers les films d'horreur aussi, mais on dit, c'est prévu pour 2015, mais on dit pas si c'est un jeu de combat, y a pas de gameplay, c'est un trailer cinématique. Donc, mais non, ça, c'est à voir. Allez voir ça. Je vais même vous mettre, pourquoi pas, le petit lien avec jeuxvideo.com pour que vous puissiez aller voir le trailer plus tard ou maintenant, aussi pendant que vous nous écoutez. Ça va être dans les titres à surveiller pour les gens qui aiment ce genre de jeu, mais je vous avertis, c'est pas pour les jeunes enfants, loin de là. Fait que si vous avez un enfant de 6 ans, achetez-lui pas ce jeu-là, s'il vous plaît. Voilà. Autre jeu, ça, j'ai hâte de le voir, j'ai hâte de l'essayer. On en a parlé souvent, autant à l'émission que dans les autres médias, The Order 1886. Donc, l'Ordre 1886 qui se passe dans un Londres, un Londres parallèle, style un peu steampunk. Pas à ce point-là, mais... Mais l'armement est très clairement plus évolué là, que... Non, c'est ça. Puis qu'à l'époque. Là. On est évidemment un ordre. En fait, c'est comme un ordre de chevalerie, mais qui combat... Des forces des ténèbres. Ouais, en fait, des hommes, des créatures mi-hommes, mi-animal. Des lycanthropes. Ouais, genre... Des genres de lycanthropes. C'est ça, puis là, ben, ça... J'essaie de décrire vraiment là, l'esthétique. C'est un peu steampunk. Pas autant que... Pas à fond, là, mais tu sais, il y a un peu de ces éléments-là. Puis voilà, vous combattez. Puis là, on avait un gameplay pendant le 3. Justement, on est dans une bâtisse désaffectée, sombre. On se promène avec une lanterne. Puis là, on tombe justement sur une de ces créatures-là qui viennent nous attaquer. Un mélange de gameplay. Puis pendant qu'on joue, c'est ça, dépendant de ce qui se passe. Mais il y a des cinématiques qui embarquent en même temps. Rythme assez rapide. Ça va être sur PlayStation 4. Non, sans farce. J'ai hâte de voir ça. C'est le genre d'univers. Ça risque d'être intéressant. Le genre d'univers qui m'intéresse beaucoup, d'environnement. C'est un jeu à la troisième personne de tir, entre autres. Donc, à surveiller. Ça va être pour 2015, ça aussi, je pense. Ou 2014. Je me rappelle pas de l'annonce. Je vais retourner voir sur Internet pendant. Au pire, Andrew, parle-nous donc du prochain jeu. Bloodborne. Anciennement connu sous le nom de Project Beast, No Man's Sky ou Abzu, se chargeront d'apporter un peu de poésie. Non, ça c'est un autre jeu. Ça. Bloodborne, je vais te checker c'est quoi de mémoire. C'était le jeu que j'ai fait comme what? Ah ouais, t'avais un jeu comme ça, toi? Ben quand j'avais vu ça, j'étais dans le style que ça semblait, ma foi, très excellent. Ouais, ben. Non, je sais pas si excellent. Oui, c'est ça. Bloodborne, c'était un genre de jeu là, avec qui est fait par le studio Sony Japon et From Hardware. On joue un genre de gars qui a l'air de se retrouver dans une ville de zombies. Là, on se bat avec une genre de faux rétractable. Là, puis, ouais. Un autre jeu, justement, assez... comment je pourrais dire ça? Un jeu assez encore sanglant, on va dire ça comme ça. Ça y va, encore une fois, là, pour les amateurs, ce sera surveillé. Mais, je sais pas, on dirait que j'ai moins accroché sur celui-là quand je l'ai vu passer. Je me suis dit, bah, ok, mais. Non, ben, c'est à cause que c'est le studio qui le fait, là, From Software, là, qui est un excellent studio. Là. Fait que c'est pour ça que quand je l'ai vu, j'ai fait comme, oh, intéressant okay. Ça. Fait pour, que, très clairement, je vais y donner. L'attention qu'il mérite. Ouais, effectivement. Pour The Order 1886, on parle de février 2015. Donc, après les fêtes, à surveiller. Puis No Man's Sky, ça, puis Abzu, oui, c'est... ça, No Man's Sky, là, j'ai fait, je veux ce jeu-là. Ouais. C'est un jeu, un studio indépendant. C'est quoi le nom du studio? Je l'ai pas sous la main. C'est, ma foi, j'étais vraiment content de voir ça. En gros, je dis ça rapidement, c'est un jeu d'exploration spatiale. Oui. C'est qu'on arrive sur des planètes, on peut les explorer, on a des armes. Là, on a un vaisseau. On a un vaisseau, mais on voit cette planète, on les explore, puis on peut se promener. Découvrir la faune locale. Ouais, découvrir la faune locale, puis après, tu sais, on embarque sur notre vaisseau, puis on part direct dans l'espace, on va explorer d'autres choses. D'après ce qu'il nous disait, c'est que chaque joueur va commencer sur une planète différente. Dans le fond, c'est que à chaque nouveau joueur, une planète va apparaître et ça va être la planète, le homeland de ce joueur-là. Fait que qu'est-ce qu'il disait, c'est que eux, c'est un univers infini quasiment parce que chaque joueur va rajouter du contenu dans cet univers-là. Moi, ça en face, ça a été mon top 5 du E3, complètement. J'ai vraiment... En fait, ça, c'est un jeu que je fais... Je veux un PlayStation 4. Je veux juste pour jouer à ça. Dis-moi, Mike, est-ce que tu es en train de devenir multiplatformeur? Tu veux une Xbox One? Tu veux une PS4? Ben, j'ai toujours été multiplatformeur, PC et console. Mais j'avais jamais différentes consoles d'une génération. T'sais, j'ai jamais l'argent vraiment pour pouvoir acheter les deux, malheureusement. Mais là, cette année, j'avoue qu'il y a des titres que je fais « Oh mon Dieu, ça me tente vraiment de jouer à ces jeux-là ». Tu sais, souvent, d'année en année, il y a des exclusivités sur d'autres consoles. Je fais « Bah, regarde, là, ça vaut pas vraiment la peine ». C'est Titanfall, j'y avais pensé. Là, je fais bah, « ils l'ont sorti sur PC, finalement ». Mais, j'ai vu des jeux sur les deux qui me font « Oh man, ça a tellement bien pensé ». Des innovations au niveau gameplay. Mais No Man's Sky, là... Ça me tente. Là, j'essaie de trouver le constructeur. Je l'ai pas. Ça, je l'ai. J'allais regarder comme le début du trailer rapidement pour voir, mais j'ai pas le nom du studio. Mais bref, à surveiller, c'est. Je vais vous le mettre sur le site, sur la page de Puissance Maximale au niveau de Facebook. Vous allez pouvoir voir un de mes gros coups de cœur du E3 de cette année. C'est franchement rafraîchissant de voir ça et de voir jusqu'où on peut aller. J'ai hâte de voir justement au niveau, parce qu'il peut y avoir des combats spatiaux aussi. Donc, des combats... c'est Hello Games. Hello Games. Oh, que je suis heureux. Parce qu'ils l'ont présenté sur PS4, mais d'après Wikipédia, ça sera surveillé, mais PC. Voilà, t'as plus de raison d'acheter PS4. Ah man, bon, mais voilà. Je suis content parce que je vais pouvoir jouer sur PC. Hey, ça va être tellement magnifique sur PC, ce jeu-là. C'est beau, là. Le jeu, je me promènerai dans ce jeu-là juste pour me promener, là. Sans problème. Pas obligé d'avoir de combat. Non, sans farce, je suis vraiment content de voir qu'il y a des possibilités que ce soit sur PC. Je vais aller voir directement sur le site. Là, je vous en parle. Je suis vraiment à fond là-dedans. Je suis vraiment content. Il est hypé, là. Ah, tout à fait. Je suis vraiment content que ce genre de jeu-là puisse exister. C'est vraiment une belle découverte que j'ai faite cette année. J'étais content de voir ça. Bon, on va passer à autre chose. On n'en parlera pas pendant 6 ans. On fera une émission spéciale là-dessus. Ah, mais qui sort, c'est officiel. Sinon... Puis, Abzu, c'était un genre de jeu d'exploration sous-marin avec un bonhomme. C'est un peu spécial. Ouais, j'avais juste pas accroché du tout. Du tout là-dessus. Ben, c'est à cause que, à part le voir nager dans l'eau et tout ça, j'ai qu'en fait... ça m'a pas... Non, c'est ça. On ne va pas accrocher. Peut-être qu'il y a quelque chose de super hot là-dedans, là, mais il n'y avait pas assez dans le vidéo pour dire que... Non, c'est ça. Ça fait que moi présentement, il faut dire que quand je suis tombé sur No Man's Sky, après ça, j'ai comme... Les jeux qui ont su... J'ai perdu un peu là, d'attention pour les jeux qui suivaient. Sinon, Little Big Planet 3. Ouais! La mouture PS4 qui s'en vient maintenant, Sackboy. Pas Sackboy. Ah, ben, ça aurait pu être un bas. C'est pas un bonhomme qui suce. S-O. Ah! C-K. OK. Christine Niaise. Donc, Sackboy qui va être accompagné d'un oiseau, d'un genre de chien et d'un gros... qui peut se rapetisser. Ouais. En gros. Encore une fois, le co-op aussi, le co-op à 4 arrive aussi sur PlayStation. Ça, il y en avait aussi qui ont été annoncés. Donc, ce sera surveillé également. Puis, Little Big Planet 3, vous connaissez le concept, là. On construit des tableaux. Ça. Puis, c'est la réputation n'est pas à défendre. Little Big Planet... C'est un incontournable. PS4, la seule chose que je peux dire, c'est « Mon Dieu, que la fille était pas bonne. » Non, elle avait de la misère avec... Le wall jump. Avec le petit pitou qui peut faire des wall jumps. Là, elle avait bien de la misère. Ce sera pas Media Molecule qui va le faire, c'est Sumo Digital. Oui, mais ils ont fait un excellent job avec Sonic and All-Star Racing Transformer. Fait que je suis parfaitement confiant là, du résultat. OK. Mais tu l'avais aimé, ça, ce jeu? Ben oui. Ah, d'accord. C'est juste le commentateur qui est chiant, là, mais pour ça, c'était correct. Sinon, écoutez, c'est arrivé... Parce que moi, j'ai pris des notes, puis c'est pas en ordre avec ce qui a été amené pendant la conférence, mais c'est arrivé vers la fin de la conférence. Uncharted 4, A Thief's End... qui a été annoncé officiellement. Encore une fois, c'est un incontournable quand on a une nouvelle plateforme de Sony avec la gang de Naughty Dog. Cette série, ma foi, qui est excellente. Moi, j'ai là, d'ailleurs, je n'ai même pas joué au 3. Faudrait que je m'y lance. Faudrait que je te le prête. Ouais, celui-là, je vais te l'emprunter. Parce que moi, j'avais bien aimé les deux premiers. Le 3, tout le monde m'a dit qu'il était bon. C'est que le 4... J'imagine qu'il sera très bon aussi. Parce que le trailer te met dans le mood, en tout cas. Ouais, c'est ça. Puis en plus, ils ont un gros compétiteur maintenant avec Tomb Raider. Ils ont pas le choix de mettre la sauce, là, de vraiment mettre. Et là, je vais faire une plug ici. La puissance maximale. Afin d'avoir un produit qui va venir à côté, justement, Tomb Raider. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ce qui s'en vient. Mais là, ce sera pas avant 2015, encore une fois. Je crois bien. Aucun, comme pour Tomb Raider, que du cinematic trailer. Pas de gameplay qui a été présenté sur place. Sinon, Dead Island 2. PS4 qui va être disponible en bêta en exclusivité avant Xbox One et PC. Malgré que le trailer était excellent pour Dead Island, là, je l'ai beaucoup ri, là, le genre de gars qui fait du jogging avec le monde post-apocalyptique en arrière, puis ça. Dead Island... On stan. C'est ça. Fait que j'espère qu'ils vont amener quelque chose de nouveau sur Dead Island 2, ça serait bien. On va voir, il n'y a pas eu beaucoup de dégâts. Il n'y a pas beaucoup de détails qui ont été sortis, là. Mais, j'ai pas fait « Ah, cool, Dead Island 2 », j'ai plus fait « encore ». Non, c'est ça. Sinon, au début de la conférence, on a parlé de Destiny. Gros titre, c'est Bungie qui prépare ça. Un gros MMO shooter qui s'en vient. Il va être il sera pas en exclusivité. Il est en exclusivité sur PlayStation? Non. Mais il arrive en premier dessus. En primeur, en fait, on va dire ça comme ça. Puis ils vont sortir à la sortie au mois de septembre, le 9 septembre, un bundle avec une PlayStation 4 blanche. Elle est belle, la PlayStation 4 blanche, par exemple. Ils vont sortir un bundle avec le jeu. Là, tu vois, c'est ça que je veux dire, parce que Microsoft n'ont pas sorti de bundle ou quoi que ce soit, là, t'sais, comme Sony, ils l'ont annoncé avec Destiny, tout ça. Des gros titres, là, ils ont annoncé des gros titres, Microsoft. Là. Ben, c'est ça. Tu sais, un bundle avec Master Chief Collection. Ça aurait été cool. Ça aurait été malade, ça. Mais non, ils n'en ont pas fait. Donc, c'est ça pour PS4 blanche avec le jeu Destiny et une manette. Ça s'en vient. Il n'y a pas de prix qui a été donné, je pense. J'ai pas entendu de prix. Il n'y a pas grand prix qui a été dit hein, cette année, vu qu'il n'y a pas beaucoup de matériel qui a été annoncé. En fait, le seul prix que j'ai entendu, c'est justement Sony qui a annoncé son PlayStation TV. À 100$. À 100$. US. Oui, et avec PlayStation TV, vous allez avoir la possibilité d'avoir accès au service PlayStation Now, qui regroupe environ 1000, d'après ce que j'ai entendu, 1000 jeux PS3. Il va y avoir des jeux classiques PS1 aussi. C'est un total de 1000 jeux. C'est ça, en tout. Mais approximativement 100 jeux de PlayStation 3 au lancement. Le reste, c'est du PlayStation 1, PlayStation 2. C'est ça, des classiques. Puis ça, c'est vous allez pouvoir jouer ça avec, finalement, via Internet, avec le PlayStation Now, avec votre truc PlayStation TV, pas besoin d'avoir de console. Et même, ça va être possible de le faire, d'avoir accès à PlayStation Now avec certaines télévisions Sony. Oui. Sans acheter le PlayStation TV. Ça, que ça sera surveillé aussi. Ça, je trouve ça intelligent. Et puis le PlayStation Now va être aussi accessible plus tard sur le PlayStation Vita. Ouais, c'est un beau service. J'ai trouvé ça intéressant. Encore une fois, le problème qu'on a au Québec, la bandwidth, donc la bande passante de nos services Internet qui vont être grugés pas mal. T'sais, moi, puis Andrew, ben, vu qu'on est des gens... On est des gens techno, ben on va avoir des accès illimités, c'est que ça nous dérange moins. Mais c'est pas tout le monde qui a accès. Le commun des mortels. Ben c'est ça. C'est que ça, c'est un problème qu'on a au Canada. Pour la PlayStation TV aussi, il y a un bundle qui est annoncé. Pour 139$, vous allez avoir la PlayStation TV, un DualShock 3, donc la manette de PlayStation 3, une carte de 8 Go, un câble HDMI et le jeu Lego The Movie. Film que j'ai écouté d'ailleurs dernièrement. Puis tu sais, c'est 40 pièces de différence? Ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Si vous n'avez pas de manette, là. C'est ça, parce que ça vous prend une manette pour jouer à PlayStation Now. Puis en fait, ce que vous avez besoin, en fait, quand vous allez vous chercher, disons que vous avez une TV Sony, vous l'acceptez accéder à PlayStation Now, ça prend seulement la manette. Merci. C'est tout. Oui. Sinon, on va se dépêcher parce qu'on a déjà la première heure de puissance maximale qui est passée, Andrew. Ça va vite? J'ai juste à faire une mention, Grim Fandango. Ben, c'est ça que j'allais arriver là-dedans. Un jeu de LucasArts, très, très, très populaire. Il y a plein de monde qui m'en ont parlé depuis l'annonce. Moi, je suis content. Il y a plein de monde qui sont contents. Qui s'en vient. PS4 et Vita avec une version remasterisée. Sinon, rapidement. On a pu voir une séance de jeu de Mortal Kombat. De Mortal Kombat X qui s'en vient, fidèle à lui-même. J'ai trouvé qu'il était plus dynamique. Ouais? Je trouvais qu'il était plus vite. C'est peut-être le montage qui a été fait comme ça. Je parle, les combats, le décor est interactif, premièrement. Ouais, ça c'est cool. Ils ont pogné des choses. Mais je parle, le combat, je trouve qu'il était plus fluide, plus rapide que Mortal Kombat 9. Qui est le dernier là, qui est sorti là, sur... Là, je me demande si on va dire Mortal Kombat 10 ou Mortal Kombat X. Parce que là, à la conférence, il disait X. Ouais. Mais ça pourrait être 10 aussi. En tout cas, c'est un X parce que c'est le 10e. Mais bref, en tout cas, on verra bien. Mais fidèle à lui-même, ce sera à surveiller encore une fois. Et deux titres qui ont été aussi montrés, Batman Arkham Knight, wow. En gameplay. Ah oui, ça, wow. J'ai vraiment hâte de jouer. Avec la Batmobile qui est un véritable tank, ça va être fou raide. C'est wow. Beau, c'est magnifique, le gameplay a l'air malade, j'ai vraiment hâte de jouer. Et Far Cry 4. Avec une fonctionnalité que Sony a déjà confirmée, elle est disponible pour le PSN. Ouais. Et qui allait probablement approfondir la fonctionnalité, suggestion de leurs fans d'ailleurs. Ouais, c'est que disons que Andrew il a Far Cry 4 chez eux, moi je pourrais aller jouer en coop avec lui. Via PSN. Via PSN, donc le PlayStation Network, sans avoir le jeu. C'est que je pourrais aller jouer à Far Cry 4 avec Andrew, sans avoir le jeu. Ça, c'est une fonctionnalité qui est déjà présente sur les consoles portables de Nintendo. Donc, c'est comme un peu un emprunt que Sony font de... C'est vraiment bien pensé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être disponible sur PS4 et PS3 pour la coop en PSN. C'est vraiment bien pensé. Je suis vraiment... Et les grands absents, on peut terminer avec Sony, God of War, pas de God of War 4 qui est annoncé, pas de nouveau titre. Déception. Bon, déçu, mais en même temps, il y a vraiment eu des beaux titres annoncés, c'est que c'est moins... Comme No Man's Sky. Mais on s'attend... mais remarque, tu sais, il y a des jeux comme... Tu sais, Tomb Raider, là, c'est dans un an et demi, puis il y a d'autres jeux aussi qu'on verra pas avant minimum un an. C'est que des fois, on fait... Mais aussi, en même temps, le Tokyo Game Show, il est pas passé. Non, c'est ça. Ça sera à surveiller. Et The Last Guardian, ça... Oui, ça... Ça, on n'entend jamais parler, donc c'est toujours une déception. Voilà. Mais non, mais tu sais, c'est... C'est quasiment rendu un Duke Nukem Forever, cette histoire-là. Là. Non, mais ça, on va espérer que ça ne deviendra pas un Duke Nukem Forever, justement. Donc, voilà, mesdames et messieurs, c'était la conférence de Sony. Et là, on va partir en pause musicale pour la première heure de Puissance Maximale. En fait, on va l'entendre deux chansons. On va l'entendre Terra de Random Encounter qui reprend le thème de Terra dans Final Fantasy VI. Très bonne reprise. Et tout de suite après, on va l'entendre Rage Against the Machine. Et c'est leur chanson la plus populaire, Killing in the Name. Vous allez entendre ça à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 Lévis. That burn crosses.

Straight to the point. Straight to the point. Avec des petites jokes par-ci par-là. Bien fait. Ça a été ma conférence préférée. On laissait la place aux développeurs. C'est ça. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a des annonces que j'ai préférées dans d'autres conférences, mais en tant que conférence, Nintendo, selon moi, a le mieux réussi. C'était une conférence virtuelle. Il y avait pas, c'était pas en grande salle comme les autres. Ça fait 2 ans qu'ils font ça. Et là, cette année, dans les choses qu'on a appris avec Nintendo, c'est que grosse annonce avec Super Smash Brothers. Super Smash Brothers sur Wii U et sur 3DS qui s'en vient également. Vous aurez la chance, entre autres, on a appris ça, de jouer votre Mi. Donc, votre avatar dans le système Wii U. Avec 3 types de jeux différents. Le Brawler. Le Brawler, le Sword Fighter et le Gunner. Ouais, vous allez pouvoir y aller avec votre propre avatar pour combattre à l'intérieur. Sinon, dans les autres personnages qui ont été ajoutés, il y a Palutena, qui est la déesse dans Kid Icarus. Et? Le préféré d'Andrew. Pac-Man! Oh yes! Woo-hoo! Andrew est content de ça. Même qu'il crie dans le micro. Ouais. Donc, rien de trop beau pour Pac-Man. Donc, Pac-Man sera jouable également dans Super Smash Brothers sur Wii U. Je le dis devant témoin, là. Je profite de la tribune que j'ai ici, Michael, pour dire dans Smash, depuis Brawl, mon personnage favori. En fait, mon personnage favori de tous les temps dans toutes les Smash a toujours été Smosh. Fox. Avec Brawl. C'est bon que t'aies bien fini ta phrase parce que je te disais fuck. J'étais sûr que t'allais dire. Non, mais Fox. Et après ça, on parle de Fox McCloud. Fox McCloud, c'est ça. De la série Star Et Fox. Après ça, sur Brawl, il y a eu Sonic. Donc Sonic était mon personnage favori. Non, c'est parce que moi, dans ma tête, là, je suis en train de me faire. Pendant que tu parles, Et non, c'était Fuck de la série Star Fuck. Et c'est Fuck McCloud, voilà. Excuse-moi. Mais bref. Tout ça pour dire que Mais Pac-Man. Là, tu vas switcher à Pac-Man automatique, voilà. Il n'y a pas exactement le style de jeu que je joue normalement dans Smash, mais je pense que je vais m'asseoir et je vais prendre le temps de bien le comprendre et le maîtriser. Et aussi avec les fameuses figurines Amiibo, là, s'ils sortent un Amiibo de Pac-Man, même si je crois pas en cette technologie-là, je veux un Amiibo de Pac-Man. Donc le système Amiibo pour Nintendo, ça va inclure les statuettes de Nintendo qui vont sortir, mais aussi ceux de Disney Infinity et ceux de Skylander. Ouais. Donc vous pourrez placer ça sur un sensor qui est sur votre Wiimote. Ouais. Puis en fait votre Wii, votre gamepad en fait, et le personnage pourra venir combattre dans le jeu pour vous. Mais en fait vous allez le contrôler, mais il sera là, voilà. Donc ça vient ramener un petit côté. Non, en fait le Amiibo, les Amiibo de Smash, là, c'est une intelligence artificielle. Ah ouais, ah je savais pas. C'est que dans le fond tu peux le faire venir pour qu'il joue avec toi, ou tu peux le mettre pour qu'il joue dans le fond contre l'adversaire, et à force de jouer, le Amiibo va gagner de l'expérience et on peut augmenter sa stratégie comme ça. Ah. C'est ça qui expliquait que chaque Amiibo va être différent à sa façon, parce que la technologie Amiibo dans le fond, et non pas qu'est-ce qui est dans Disney Infinity puis Skylanders, là, vraiment les Amiibo officiels de Nintendo, c'est que le Wii U Gamepad est capable de renvoyer de l'information dans la figurine. Ok. Donc c'est bidirectionnel. D'accord. Bon, mais c'est bon, c'est excellent. Donc, ce sera à surveiller. Ceux qui ont des petites figurines comme ça pourront en profiter pendant qu'ils jouent à Smash Brothers. Donc, à surveiller. Et c'est un des plus gros titres qui a été annoncé, d'ailleurs. Tout le monde l'attendait. Pac-Man. Ouais, Andrew, bien content. Sinon, autre jeu. Captain Toad Treasure Tracker. Ouais, qui était un genre de petit niveau là, qu'il y avait dans Super Mario 3D World où on contrôlait un Toad qui s'appelait Captain Toad. Et qui devait traverser un parcours genre avec en changeant les angles de vue là, pour pouvoir passer à travers, mais ils vont faire un stand-alone. OK. Parce que beaucoup de monde appréciait ce genre de petit niveau-là. Fait que Nintendo a décidé de sortir un petit titre virtuel de Captain Toad qui va être disponible sur le Nintendo Shop. Excellent. Donc, ce sera évidemment un petit jeu bien plaisant comme ça. Mario Party 10, il n'y a pas eu de vraiment de détails là-dessus? Il y a eu une petite bande-annonce où Mario Party, le mot Mario a éclaté, puis ils ont mis Bowser, parce que imaginez-vous donc que la personne qui va jouer avec le Wii U Gamepad va jouer le terrifiant Bowser. Oh! Encore une fois, même chez Nintendo, le concept de jouer le méchant, ça s'en vient aussi. Ouais. C'est que vous allez pouvoir jouer le méchant. Tu l'avais pas vu celle-là, hein? Non, mais en fait, c'est ça. J'ai pas pu voir Nintendo que complet. La conférence de Nintendo a été faite en deux parties. Ouais, c'est ça. Il y a eu la conférence virtuelle, puis après ça, il y a eu un après conférence virtuelle où là, ils mettaient plus les bandes annonces et pour donner plus d'infos. Là. C'est là que Pac-Man a été annoncé, en fait. OK, voilà. Donc, pour Mario Party 10, c'est pas mal ça. Bref, ça s'en vient. Il va y avoir Yoshi Woolly World, un peu à la Kirby... Epic Yarn, donc ça a été annoncé aussi. Ça a l'air cool. Ouais, ça a l'air bien. J'ai bien aimé les développeurs qui disaient « Oh, on est allé vraiment faire de l'investigation sur la laine parce qu'on voulait que le jeu ait l'air le plus possible... » handcrafted, dans le fond, laineux. Fait à main. Bien, ouais, c'est ça, fait à la main. Fait que là, ils ont montré qu'ils avaient tricoté des Yoshi en laine pour décider quel type de laine qu'elle allait utiliser dans le jeu. J'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça un petit côté cocasse, ouais, ouais. Là. Donc, ça s'en vient aussi. Donc, sinon, on peut jouer en coop à deux, à Yoshi Woolly World, qui s'en vient. Sinon, un nouveau Kirby. Ouais, ben en fait, c'est comme... Un portage, dans le fond, d'un Kirby qu'il avait eu sur le DS, où est-ce que Kirby avait une malédiction, puis il était en boule, puis il roulait, puis il fallait qu'on lui fasse des petits tracés là, avec l'écran tactile. Ben, c'est un peu comme une suite à ce jeu-là, mais sur la Wii U. Là. Donc, c'est un Kirby que vous n'avez pas le contrôle dessus, mais vous devez exploiter de l'écran tactile de votre gamepad pour y tracer un chemin, pour qu'il se rende à la fin des niveaux en toute sécurité. Voilà, donc ça s'en vient également sur la Wii U. Sinon, Pokémon, il va y avoir une version... des remakes de la version Saphir et Ruby qui s'en viennent. On en avait déjà parlé. Ouais. Ça avait leaké avant. Ça a été confirmé pour une sortie le 28 novembre. Et aussi, un titre qui était vraiment attendu depuis longtemps, Bayonetta 2. Qui décide de faire 2 pour 1. Oui, si vous n'aviez pas eu la chance de jouer au premier titre de cette série-là, ben vous pourrez l'avoir en duo avec Bayonetta 2 quand il va sortir. Et Bayonetta 1, vous allez pouvoir le jouer avec des costumes de personnages de Nintendo. Ouais, j'ai vu ça. Ça, j'ai trouvé ça très drôle. Oh, ouais. Mais reste que Bayonetta, je l'ai fait le 1 sur Xbox 360. Mais juste par principe, qui est avec le 2 sur la Wii U, j'aurais pas le choix de le refaire. Ben oui. J'aurais pas le choix. T'as qu'à ça. T'as qu'à l'avoir. On jouer. Là, on va rentrer dans le sérieux. Là. Ouais, ça, là, on rentre dans les 3 prochains jeux dont on va vous parler, les 3 derniers là, pour Nintendo, c'est pas mal les plus importants. Premièrement, on va y aller avec un qui est connu, qu'on en a parlé la semaine passée, Hyrule Warriors. Un crossover entre Legend of Zelda et Dynasty Warriors. C'est ça, je suis hypé pour Pac-Man. Batman aussi, là, mais Pac-Man. Mais là, Hyrule Warriors, là, ça vient de toucher ma petite corde. Moi, j'étais pas sûr, mais j'ai vu les démos passer, là. J'ai hâte de voir ça. Donc, c'est le concept de Dynasty Warrior. On est en bataille. Vous comprenez maintenant, auditeur, pourquoi que je suis hypé? C'est ça. Il y a vraiment beaucoup de monde sur la map. On tape dedans, dans des ennemis en grosse quantité. Plus, il va y avoir des giant monsters, t'sais, dans la tradition de Legend of Zelda qui vont être là. Les personnages jouables, il va y avoir bien évidemment Link. Il va y avoir la princesse Zelda. Il va y avoir Impa. Qui était dans Ocarina of Time. Et il va avoir Midona de Twilight Princess. Qu'on connaît au nom de Midna aux États-Unis. Ouais, voilà. Midna, donc, ça va être, elle va être présente également. 4 joueurs. À date. Parce que Tecmo Koei ont été bien, bien précis dans la conférence. Ils ont dit qu'il allait avoir énormément de personnages jouables. Des personnages qu'on ne pensait pas jouer dans un jeu de Zelda, mais qui veulent nous faire découvrir dans ce jeu-là. Donc, ça sera surveillé. Sinon, ben... Moi, je m'attends à voir l'oncle de A Link to the Past. C'est lui qu'on voit sortir d'une maison et qu'on le voit mort plus loin. Peut-être The Old Man? Oh! Ça serait malade, hein? Oh! Don't go alone. Faut que The Old Man soit là. Ça serait malade. Faut qu'il soit là. The Old Man, on parle The Old Man dans... Le NES, là. Le NES, le premier jeu. Il faut qu'il y ait I Am Era. De Zelda 2. Ah, ça serait bon. Donc, ça va être vraiment... En tout cas, moi, j'ai hâte de le voir, j'ai hâte de l'essayer dans la pure tradition de Dynasty Warrior, mais avec, justement, respecter, justement, certains trucs de Zelda. Entre autres, quand on va parler des boss géants, là, ben, ces boss-là auront des points faibles à exploiter, comme dans Zelda. Exactement. Voilà, ce sera surveillé. Et le character design, là, le design des personnages. Il est beau. Là. Le jeu, il est beau. Wow. En face, là. Wow. Et là, ce qui m'amène à un autre jeu, Zelda Wii U. Non, attends, faut que je termine une chose. Vas-y. Hyrule Warrior, ça va être excellent. Ah, mais on savait déjà ça. Je donne déjà 5 sur 5. Non. Donc, ça qui s'en vient, sinon, Zelda Wii U avec une mouture open world, donc monde ouvert. Pas beaucoup de détails encore. Non. Mais... Si, là, la personne qui présentait le jeu nous disait que le vidéo qu'on voyait, c'était. C'est le gameplay engine, c'est ça que ça va ressembler. Si c'est effectivement ça, ça va être magnifique. Ça va être super beau. Mais j'ai bien aimé aussi le parallèle qu'il faisait avec le vieux Zelda au NES. Qui était? Ben, tu l'as pas vu? Ben, mais explique aux spectateurs. En fait, il expliquait que le premier Zelda, il était un open world. On commençait, on savait pas trop qu'est-ce qui se passait, on se promenait, on découvrait des donjons, puis on pouvait passer le jeu dans l'ordre qu'on voulait. Et là, qu'est-ce qu'il disait, c'est qu'avec Zelda, en évoluant, en tombant dans le monde du 3D, et même avec le Super Nintendo, il est tombé dans un chemin où, dans le fond, on était certes dans un monde ouvert, mais il n'était pas réellement ouvert. Parce que, dans le fond, c'était des îlots dans une map grande, mais somme toute vide. Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire, tu te promènes dans Ocarina of Time, c'est immense, c'est quand même assez grand, mais... Il n'y a rien. C'est ça. Donc, qu'est-ce que les autres ils disaient, c'est que ils voulaient, tandis que Zelda 1, c'était grand, mais il y avait tout le temps des choses dans chaque écran. Il y avait tout le temps des monstres, il y avait tout le temps plein d'affaires. Puis là, qu'est-ce qu'ils disaient, c'est que ils voulaient peut-être se réinspirer de qu'est-ce que c'était à l'époque le open world de Zelda pour ramener ça dans un univers 3D où vraiment, t'es, on est sur une montagne, on voit une montagne à l'autre bout, on peut y aller. Ouais, non, ça va être, j'ai vraiment hâte de voir ça. C'est pour 2015, donc c'est pas pour tout de suite, malheureusement. Il y a déjà du monde qui chiale sur le design de Link. Ouais, parce qu'il y a une petite couette, puis il y a pas sa tunique verte. Oh, sans sac, ça. Le monde, là... Tu sais, le monde sont bien bons pour chialer pour des niaiseries de même, là, mais quand c'est le temps de chialer pour vrai, quand il y a des problèmes de gameplay, quand les jeux sont trop chers, qu'on se fait avoir, ça, par exemple, là, c'est correct. Mais ben, c'est correct que les persos, ils ressemblent, mais tu sais, quand ils ont chialé justement sur Dante à l'époque, quand ils ont sorti Devil May Cry en DMC... Moi, j'aime pas le design. Quel excellent jeu. Quel excellent Devil May Cry. Tu sais, le monde, là... en tout cas, moi, j'en ai une à cirer. Moi, pour vous, il ressemble pas à celui dans... Wind Waker. Wind Waker, là, ça fait... Il était très bon, Wind Waker. Ça fait bien mon bonheur. Donc, voilà, immense Zelda Wii U qui s'en vient pour 2015. Pas beaucoup de détails, mais bref. À surveiller, je viens de mettre le trailer sur la page de Puissance Maximale, à surveiller. Et finalement, l'autre gros titre, en tout cas pour nous, pour les amateurs de RPG, Xenoblade Chronicles X, qui a été confirmé. Le projet X. Ouais, c'est ça. Donc, on disait, c'est-tu Xenoblade, c'est-tu Xenogear, c'est-tu Xenosaga? Non, mais c'est quel Xeno? Ben, c'est Xenoblade. Donc, c'est... Qui est le successeur spirituel de Xenogear. Celui qui est le suite direct, en fait, de l'épisode sorti sur Wii. Donc, RPG qui est signé Monolith Soft. Qu'on dit ambitieux, en tout cas. C'était très beau. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Et encore une fois, pas beaucoup de détails. C'est avancé pour 2015 également. Il y a beaucoup de trucs qui s'en viennent l'année prochaine, malheureusement. Mais Hyrule Warriors et Smash Charles. Non, c'est correct. Et le dernier jeu, là, c'est vraiment le dernier jeu avant qu'on parte pour... En fait, il y en a deux. Ouais, mais là, il y a Splatoon. Ben, Splatoon, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. Tu joues 4 contre 4 avec un principe où, oui, on tue les autres bonhommes en leur tirant dessus, mais c'est vraiment principe de couvrir une map d'encre. C'est la personne qui la couvre le plus qui gagne. Ouais. C'est un jeu qui se prend pas trop au sérieux, mais c'était fluide, ça semblait nerveux, ça semblait quand même bien. Moi, ça a l'air quand même cool. Moi, dépendamment du prix auquel il se vend, je le trouve intéressant. Ce sera à surveiller, ouais. Sinon, ce que j'ai trouvé vraiment, vraiment cool, c'est Mario Maker. Tout simplement, construisez vos propres niveaux de Mario que vous pourrez voir soit en mode classique à la Mario 1 ou moderne, Super Mario, en 2D avec un film comme 3D. Comme les nouveaux Super Mario. Là. C'est en plein ça. Donc, vous pourrez tout faire, l'utilisation, tous les blocs, les tuyaux, tout ce qu'on connaît de Mario, même placer les méchants. Vous allez pouvoir même faire des pyramides de méchants. Tout à fait. Donc, je trouve ça vraiment le fun. On disait que maintenant, les trois principaux constructeurs allaient avoir leur version de Little Big Planet. Ben, pour Nintendo, ça va être Mario Maker. Mais... intéressant. Oui. En plus, à cause, on va pouvoir jouer les tableaux des autres. Ouais, c'est ça. Ça va être disponible, comme pour les autres jeux, justement, à travers la communauté. Donc, vous pourrez jouer plein de nouveaux tableaux de Mario. Si vous êtes vous aimez bien votre Mario classique, mais vous êtes tanné de faire les mêmes tableaux, ben voici la possibilité, mesdames et messieurs. Mais tu sais, il y avait du monde aussi qui faisait de la musique des fois avec les jeux de Mario avec Super Mario World. Ouais. Tu sais, il hackait le jeu, puis il plaçait des affaires en sorte que ça faisait de la musique. Mais là, ils vont pouvoir le faire sans hacker le jeu. Voilà. Ça, je trouve le fun. Donc, ça sera disponible sur Wii U également. Sinon, mesdames et messieurs, voilà ce qui fait le tour pour Nintendo. On va aller en musique rapidement pour revenir. Après ça, on va vous parler de Ubisoft et EA. On va faire ça en même temps pour terminer l'émission tranquillement, pas vite. Il reste une demi-heure, mais vous allez voir qu'il y a encore du stock pas mal. Comme vous pouvez le voir, on a juste parlé des trois principaux constructeurs. Ça nous a pris une heure et demie. Donc, préparez-vous pour le reste. Il y a quand même pas mal de viande qui s'en vient. Et il va y avoir aussi de l'excellente musique. Et là, ça s'en vient avec un classique de mon oncle Serge. C'est une vieille toune de mon oncle Serge. J'ai pas beaucoup de monde qui connaît ça. Ça s'appelle Le Frisé. Vous allez voir de quoi ça parle. J'imagine que certains devinent déjà le sujet. On vous envoie ça dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. C'est bien effrayant ces derniers jours. Tant de drames secouent le milieu de l'humour. Roson s'est fait pogner d'une histoire de cul. Et Daniel Johnson quittait le PLQ. Moi j'ai toujours préféré le chef sortant à Ding et Dong, Jean Chrétien et Guy Bertrand. Mais heureusement pour lui succéder, on a choisi un chef aux cheveux frisés. Et ce n'est ni Boule Noire ni Ronald McDonald qui a pris la tête du Parti libéral. Ses cheveux en boucle comme des cornes de bouc rehaussent le look de ce look de Sherbrooke. C'est un frisé, frisé, frisé. C'est la risée, oui, mais c'est un frisé. Oh yeah! Charest soulève en nous des questions importantes. Est-ce qu'il frise naturel ou est-ce une permanente? Est-ce que c'est parce qu'il mange de la laitue frisée? Est-ce que son poil de poche est lui aussi bouclé? Moi, je pense que ses frisettes ne sont pas naturelles. Je me le suis fait confirmer par sa coiffeuse Gisèle. Elle est bien vivante et démontre par là que friser le ridicule ne tue pas. On m'accuse de ne rire que des cheveux de Charest, mais je rirais bien de ce qu'il y a en dessous s'il y en avait. Imaginez 4 ans, c'est long en calice quand le premier ministre est frisé comme un petit Saint-Jean-Baptiste. C'est un frisé. Frisé, frisé, c'est la risée. Oui, mais c'est un frisé. Hey, look at this jerk with the curly hair. Assez d'excès de langage, revenons à la normale. Pour qui on va voter si on ne peut plus voter libéral? Depuis que Johnson est parti, ma foi, on n'a plus qu'un frisé et une jambe de bois. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on n'a plus beaucoup de choix. Non, mais sérieusement, il nous reste rien qu'une option. C'est de voter pour Mario Dumont. C'est un têteux qui tête et quand il perd, ça suce. Au moins, on est en présence d'un consensus. Mais revenons à notre mouton et une dernière fois, chantons pour la momona momote venue d'Ottawa. Ses cheveux en boucle comme des cornes de bouc. Rehausse le look de ce look de Sherbrooke. C'est un frisé, frisé, frisé. C'est la risée. Oui, mais c'est un frisé. Encore une fois! C'est un frisé, frisé, frisé. C'est la risée. Oui, mais c'est un frisé. Bonjour, c'est Esteban des Cités d'Or. Vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale. Après mon oncle Serge et Le Frisé, ben oui, il parlait bien de l'ex-premier ministre du Québec, M. Jean Charest. À l'époque où il était encore, je pense, chez les conservateurs, c'était vraiment un bon bout. Mais bon, les classiques, c'est quand même assez bon. Voilà. Et écoute, rapidement, Andrew, on avait oublié deux petits trucs. Oui. Du côté de Sony, ils ont parlé rapidement du Morpheus. Mais ils n'ont pas donné de détails. Ils n'ont rien donné de détails. Ils ont juste dit qu'elle allait avoir 3 expériences disponibles au E3. Ouais, c'est ça, pour les gens qui sont sur place. Expérience ici, expérience de jeu. C'est ça, puis ils disaient l'avenir est dans la réalité virtuelle. Mais bon, ils disaient aussi que l'avenir serait dans le motion detection. Puis, d'ailleurs, on n'a rien vu sur la Move, hein? Non, ben à ce temps, il l'appelle plus Move. Move oublie ça, on n'en parle pas. La caméra, c'est plus la PlayStation Eye, c'est la PlayStation Camera. Ouais. Puis ça va être. Ben, la PlayStation Camera va servir avec Morpheus, le casque de réalité virtuelle. C'est pas mal ça. Ils en ont pas parlé. À part ça, là, ils n'ont pas parlé. Puis tu connais Nintendo, un petit coup de gueule de ta part, Andrew, pour Sega. Oui. Vous vous rappelez, la semaine passée, j'ai fait un petit coup de gueule sur Sonic. Oui, Sonic Boom, en fait, plus exactement, où ils ont rajouté un nouveau personnage, malgré le fait que les joueurs, ils disaient Mordicus, que Sonic avait trop de joueurs, ça n'était assez. Quand on jouait à Sonic, on voulait jouer à Sonic, que ça allait vite, comme Sonic Generation. Ben, imaginez-vous donc qu'ils ont sorti plus de détails au niveau de Sonic Boom. Ça va être des phases de rapide et de beat'em all. Sonic ne fait plus de homing attack, il fait des coups de pied. Il fait du karaté. Et ça, Andrew, il aime pas ça. Et le méchant, oui, il y a Eggman, mais il s'est allié avec un dieu serpent momifié dans le fond d'une ruine qui a été réanimé par des pièces robotiques de Eggman. Et le serpent, il veut se venger de Sonic pour une raison qu'on sait pas. D'accord. Donc voilà, toi, t'es vraiment pas convaincu. Non! Sonic Generation était excellent! C'est good! Come on! Écoutez vos fans, là! Ouais, ben, faites comme Microsoft et Sony. Écoutez vos fans. Ça serait mieux pour vous. Sortez Shenmue 3, puis sortez un bon Sonic. Bon, c'est tout. C'est tout. C'est tout ce qu'on veut. On va passer à Ubisoft, Andrew. Des gros titres. Far Cry 4 qui est annoncé. On a vu un cinématique trailer, puis on a vu aussi un gameplay. Le gameplay était chez... Il était chez Microsoft? Sony. Chez Sony. Donc, Far Cry 4, écoutez, en tout cas, la formule n'a pas l'air de changer du tout. C'est la même sauce. C'est la même sauce. Efficace. Far Cry 3 avait été très bon. Mais avec un engin graphique un peu revampé quand même. Oh oui, j'ai trouvé l'engin graphique quand même assez impressionnant. Tu sais, quand il est dans l'autobus, là, puis qu'on voit le décor extérieur, puis tout, là, j'ai fait comme OK. Ouais, c'est là-dedans qu'on pouvait avoir quelqu'un qui nous aidait justement. Je pense, c'est-tu dans lui ou c'est dans Division qu'il y avait quelqu'un qui aidait avec une tablette qui jouait pas, qui jouait avec une tablette puis pas directement c'est sur le système. C'est dans Division, je crois. Ouais, avec un petit vaisseau. Un petit drone. Cela, c'est que l'autre joueur, il joue un genre de mercenaire. Dans un hélicoptère. Dans un hélicoptère. Avec un lance-grenade pendant que tout. Ce qu'on voit dans le gameplay trailer, c'est comme dans le Far Cry 3 quand on allait libérer des postes avancés, des petites forteresses. Là. C'est la même chose qu'on voit dans le 4 pour le gameplay. Puis là, il faut qu'il saute, c'est que là, ben, il saute. Avec un jumpsuit, comme un peu un écureuil volant, là, ouais. Avec des membranes. Hey, ça, c'est hot. J'ai vraiment cliqué là-dessus. J'ai vraiment aimé ça. Voilà, on a. Puis, dans celle d'Ubisoft, on a vu finalement le premier 5 minutes de jeu. Le trailer, la cinématique du début. C'est classique, mais ça va être très efficace. J'ai hâte de le voir. Ça en fait, ça va être beau. Assassin's Creed, au niveau de Unity, j'ai préféré ce qu'on a vu chez Microsoft. Personnellement, on a vu le co-op. Pour ce qu'on a vu à la conférence d'Ubisoft, ben c'est du promenage. Je peux vous montrer un peu comment c'était fait en gros. On fait une mission comme ça, mais tu sais, c'était rien d'extraordinaire. Mais quand même, là, on nous dit que Paris, la ville de Paris, où se situe l'action, ben, ça va être encore plus gros que ce qu'on a déjà vu. T'sais, on nous promet quelque chose, un monde ouvert encore plus gros. Ouais, mais je vais dire la chose suivante. C'est Ubisoft. C'est Ubisoft. Moi, je ne m'attends pas à une révolution Je me tiens toujours... Je ne m'attends pas à une révolution au niveau d'Assassin's Creed, en tout cas. Ce sera surveillé quand même. Sinon, Just Dance, on va en parler rapidement comme ça. Présentation beaucoup trop longue. Trop longue. C'était n'importe quoi. Moi, j'ai pas... tu sais, écoute, c'est cool dans le sens... C'est une franchise qui marche. Je comprends le principe. Là, c'est quand même une grosse vache à lait. Là. Oui. C'était trop long. Ils ont présenté le jeu, ils ont présenté l'application mobile, ils ont présenté une game complète, une toune. Avec une chorégraphie, avec plein de monde partout dans la salle. Mais c'était pour démontrer, mais c'était organisé. Mais en gros, ce que ça fait, c'est qu'avec l'application sur votre smartphone, vous allez pouvoir être. Il n'y aura pas de limite de danseurs. Vous les verrez pas sur l'écran, mais tout le monde va pouvoir danser. Et le jeu va calculer les scores, peu importe le nombre de joueurs, grâce à l'application. Ce que je trouve quand même intéressant, quand tu fais des gros parties, c'est le fun. Pour utiliser le gyrosenseur du téléphone. C'est en plein ça. Mais tu sais, on n'aurait pas été obligé de passer autant de temps là-dessus. Sinon, Shape Up, qui va être un jeu de condition physique, écoute, on peut passer rapidement là-dessus. Ça, par exemple, l'autre, j'ai hâte de voir ça. Valiant Heart. Oui, ça, c'est... J'ai comme eu un petit mouton quand j'ai vu ouais, ça. Oui, c'est... C'est en collaboration avec les gens qui ont fait la série Apocalypse. première, c'est une série documentaire en France, très populaire ici aussi. Il y en a déjà fait un sur Apocalypse, la Deuxième Guerre mondiale, Apocalypse Hitler, et maintenant ils font Apocalypse Première Guerre mondiale, et c'est un jeu où on va jouer quatre personnages dont les destins vont se croiser. Ça se passe pendant la Première Guerre, donc la guerre, on vous rappelle, là, la Grande Guerre, la guerre des... certains l'appellent la guerre des bouchers, la guerre des tranchées, une guerre qui a été assez dure. On parle beaucoup de la Deuxième Guerre mondiale, mais la Première Guerre était quelque chose. Et là, on a vu un super beau vidéo. D'ailleurs, on a vu la fille revenir. Il y a bien du monde qui ont trouvé peut-être qu'on en mettait trop. Non, moi, j'ai fait ça. C'est un trailer. Je suis pas du genre émotif. Mais t'sais, avec le chien, la trame sonore, le style visuel, la façon dont ça a été présenté, ça vient chercher. Ouais, ça vient chercher. Ça, c'est avec un visuel, t'sais, dessin. Ça fait penser à beaucoup de jeux indie. Ouais. Dans sa facture, ça sera surveillé. Valiant Heart, j'ai vraiment hâte de voir ça. Ça sort prochainement, le 25 juin. Fait que regardez ça, mesdames et messieurs, à surveiller. Sinon, dans les autres titres qui ont été annoncés, The Crew, on en a parlé tantôt. Il y a bien des gens qui pensent qu'on va se faire screwer avec The Crew, parce que, tu sais, on nous dit qu'on va pouvoir faire traverser les États-Unis de long en large, sans temps de chargement, pour vous promener en auto comme ça, pour faire des balades. Mais, tu sais, des balades, on s'entend avec des chars de course, là. Si on peut pas monter au Québec, c'est pas intéressant. Mais voilà, c'est ce qu'on nous promène du côté de The Crew. C'est super beau, c'est super impressionnant, mais... C'est Ubisoft. Je veux passer la frontière américaine dans cette situation. Sinon, dans les deux derniers gros titres que moi et Pietro, on a beaucoup accroché, The Division, on en a parlé tantôt. Ils ont représenté des trucs vraiment intéressants. Et Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Ça va être. Ça, là. Ça va être malade. Je pense que c'est du 4 contre 4. Oui, c'est du 4 contre 4. Terroriste versus agent antiterroriste. Et c'est le principe d'un siège. Généralement, c'est que vous avez un otage ou un point X à protéger ou un lieu à protéger. Les terroristes se barricadent et l'unité Rainbow Six doit rentrer, accomplir sa mission. Ouais. En faisant normalement c'est en faisant le moins de morts possible, mais dans un jeu vidéo tuer tous les terroristes c'est aussi une bonne fonction, c'est une bonne option. Ce qu'on voyait dans le gameplay, c'est ça, c'est une maison, quatre terroristes qui ont un otage, puis là on a l'équipe d'intervention qui arrive et là on voit un drone scout le terrain. Qu'est-ce qu'ils ont pu voir? Ils ont une map. Là, ils sont les quatre en train de discuter ensemble, savoir, bon, c'est quoi le point d'entrée qu'on prend? On passe par là, on passe par là. Puis là, il y a plusieurs possibilités parce que tout est destructible. Tout. Ça fait que les murs, là, moindrement que vous avez une arme à feu puissante, ça passe à travers. Vous ne pouvez pas vous bogner un cover très longtemps derrière d'un mur. Donc, en tout cas, pas dans une maison résidentielle. Donc c'est pas conçu pour avoir une balle de 12. Ça va vite. Là. Les games sont pas trop longues. Là. Moindrement que ça joue... tactique. Ça joue tactique, ça va vite. Donc, ça va être vraiment surveillé. J'ai pas de date sous la main, là, présentement. Mais c'est... Bon, j'ai vraiment hâte de voir ça. Avec The Division, là, ça va ramener un peu de fraîcheur dans l'univers du shooting, du jeu de tir, carrément. Sinon, on pourrait passer... vers EA, carrément, Andrew. Là, tu vas peut-être pouvoir plus en parler que moi. Un truc qui est annoncé, par exemple, qu'on a vu aussi chez Microsoft, c'est Battlefield Hardline. Oui. En fait, on va passer, tu sais, déjà dans Battlefield, on était dans des champs de bataille et tout, aussi dans des guerres urbaines, mais là, on est en mode... on pourrait dire qu'à la Grand Theft Auto ou à la PD, donc on a des criminels contre des policiers, on fait des vols de banque, des vols de camions blindés. Puis là, il y a la gang qui se présente, les policiers, puis là, on se bastonne entre nous. Ça a l'air vraiment intéressant. Oui, ça a l'air d'être des gros plans parce que c'est pas juste un policier versus une gang de voleurs. Là, c'est la grandeur de la ville. Puis j'ai pas eu l'occasion de jouer à Battlefield 4. Et il y avait une chose à Battlefield 4 qui m'avait rendu sceptique. On avait vu des vidéos, il y avait des tours qui s'écrasaient, puis tout. Puis là, je me disais, il avait montré la même chose pour Battlefield 3, puis c'était pas tout à fait ça. Puis là, ça m'avait mis un doute quand j'avais vu le Battlefield 4. Mais là, on voit Hardline, qui est un in-game session, là, on s'entend, là, c'était du enjeu. Là. Oui. Et il y avait une grue qui a tombé dans une tour. Ça, je l'ai vu. Et tout a tombé. Là, ça, là, j'ai comme fait, OK, là, je sais pas s'il y a du monde là, qui écoute Puissance Maximale qui ont Battlefield 4, là, mais j'aimerais savoir une confirmation si effectivement l'engin de Battlefield 4 permet de faire ce genre de choses-là. Ça va me permettre de me donner une idée, là, parce que on voit très clairement à un moment donné qu'ils sont dans un tunnel, ils font tomber le plafond sur des chars puis des affaires de même. Fait que je me demande si vraiment l'engin de Battlefield 4 permet ça. Donc, si vous pouvez nous écrire, ça serait merveilleux parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'y jouer. Mais ça a rajouté, là, dans le fond, là, des fonctionnalités comme des grappins, ouais. Des parachutes, des genres de. Ben, il y avait déjà ça, mais je parle. C'est vraiment dans le principe d'un crime organisé. On peut rentrer dans les bâtiments. Grimper sur les toits. C'est dans une ville urbaine où il y a citoyens, donc il y a de la circulation, il y a vraiment tout, là. C'est vraiment, vraiment intéressant. Sinon, ben, un peu dans le même genre, Star Wars Battlefront. Ouais, qu'on n'a pas vu grand-chose. Petit teaser. Mais quand même, je suis quand même optimiste sur Battlefront parce que, dans le fond, c'était une visite d'équipe de DICE qui travaille en collaboration avec LucasArts, qui est maintenant rendu à Disney, d'ailleurs, pour sortir le jeu. Puis, il disait que tout le monde de DICE qui travaillait sur le projet Battlefront, c'était des fans de Star Wars qui disaient que l'univers de Star Wars appartenait avant tout aux fans. Je pense que ça va se passer dans l'univers de la première trilogie. Oui. Ce que j'avais lu à quelque part. Ben avec les Stormtroopers. Puis non, c'est ça, là, la trilogie originale. C'est ouais. Ça. Ah, ben, puis on nous dit que ça va être pour le printemps 2015, il va y avoir plus de détails à ce moment-là. C'est ça, plus de détails. Donc, sinon, tu disais tantôt du gameplay pour Dragon Age Inquisition qui a été présenté. Oui, Dragon Age Inquisition qui, étrangement, m'a fait penser beaucoup à The Witcher en frais de gameplay. On parle d'un gameplay plus nerveux, plus dynamique, on s'en met plus en contrôle du personnage que juste cliquer dessus comme Dragon Age 1. J'ai une inquiétude et je suis optimiste sur une chose en même temps. Le gameplay qu'ils ont montré, ça semblait montrer un jeu de Dragon Age. J'étais beaucoup optimisé pour la console parce qu'on voyait un genre de cadran sur le côté où il y avait plusieurs coups puis tout ça, mais ça c'est l'interface console. Okay. Fait que je ne sais pas si sur PC l'interface va être différente. Habituellement BioWare dans les deux qu'ils avaient fait. Mais côté PC, c'était correct. Dragon Age 2 laissait quand même une petite saveur là, où tu faisais comme... Ouais, ça, il ça était pensé pour une console. Mais il me semble que ça posait pas de problème. Non, ça jouait bien, mais t'sais, Dragon Age 1, c'était un jeu qui était PC. Il a été travaillé, élaboré pour un PC, et c'était le monde qui jouait sur console qui remarquait, en fait, dans le niveau du gameplay, que le jeu avait été somme toute faite pour un PC à la base. Quand on est tombé dans Dragon Age 2, les joueurs qui avaient joué à Dragon Age 1, il y avait des éléments de gameplay dans le 2 qui étaient plus pareils. Puis, tu sais, c'était la sensation que le jeu laissait, c'était « Oh, OK, ça, c'est un jeu qu'ils ont simplifié pour la console. » Un peu comme Diablo 3, là, dans le fond, là, la sensation qu'il laissait à des gens. Là. Sauf peut-être à moins haut niveau, parce que j'ai pas craché sur Dragon Age 2 tout de même. Mais Dragon Age 3... On parle quand même d'un très grand tournant là, au niveau du jeu. Par contre, ils n'ont pas enlevé le principe que là, on peut changer entre chacun des personnages, prendre pleinement contrôle d'un autre personnage là, si on le souhaite, là, chose qui était déjà possible dans les anciens jeux. C'est encore possible de le faire dans celui-là. Et on semble avoir certains éléments du décor qui peut se détruire et des combats épiques avec des monstres géants. Là. Nice. Fait que ça reste quand même très intéressant. Là. Sinon, Mass Effect 4, pas beaucoup d'autres informations. Ça a été pas mal un caméo pour dire on en fait un. C'est ça, on travaille là-dessus. Sinon, Sims 4, qui était présent. Oui, ça, je dirais que c'est mon petit côté quétaine de joueur. Je dis pas que c'est quétaine jouer aux Sims, là, mais c'est juste parce que j'aime bien jouer aux Sims. C'est un genre de jeu que j'aime bien. Là, quand j'ai eu un petit peu de temps là, à passer, puis ça me tente pas de m'embarquer dans un gros jeu sérieux, là, je pars les Sims, puis je joue une petite partie. Là, même toi aussi, d'ailleurs, Mike, t'avais joué un peu à des Sims. Puis c'est somme toute divertissant. Et là, ils ont parlé un peu là, des changements qu'ils avaient faits, dans le fond, au niveau des engins de création, des choses comme ça. Mais en même temps, ils ont parlé de la psychologie des Sims, comment que ça allait marcher. Et qu'est-ce qu'ils disaient? C'est dans les Sims 3, on pouvait décider les ambitions, le caractère un peu de notre Sim, mais on ne pouvait pas décider le cœur de notre Sim. Les réactions, comment qu'ils allaient gérer les choses, ben, c'était un peu l'ordinateur qui gérait en fonction de qu'est-ce qu'on avait répondu. Et qu'est-ce que la fille de EA disait, c'est que les Sims 4, il y avait beaucoup plus approfondi là, ce cet élément-là du jeu où on allait vraiment approfondir la psychologie, l'émotion du sim pour vraiment que le sim réagisse et réponde aux stimuli comme on voudrait qu'il fasse et non pas que l'ordinateur décide de le faire. Fait que ça peut quand même amener plusieurs possibilités. En même temps, un nouvel engin graphique revampé. L'édition des sims est beaucoup plus précise. On peut grossir, rétrécir les nez et tout ça. C'est les oreilles, tout placé. Donc, ils ont fait une grosse job de simplification. On est vraiment dans une nouvelle génération. Exactement. Puis on nous promet ça pour le 2 septembre prochain. Ça s'en vient quand même assez rapidement. Sinon, rapidement aussi, les jeux de sport. On a eu NHL 2015, en fait NHL 15. Donc, NHL 15 qui... Sérieusement, très beau graphique. Ouais, très, très beau graphique. Moi, ce que j'ai hâte d'aller voir, c'est EA UFC Sport. Oui, il y a une scène où justement, il montre Bruce Lee. C'est à surveiller. Si vous êtes un fan des jeux du UFC là, qui étaient faits à l'époque par THQ, je crois que l'équipe de EA Sport va quand même réussir à donner... Un bon coup de frais là, à la série. Là. Un fidèle successeur. Puis les prix de soumission semblent être plus simples un peu. Ça a l'air d'être un combo de joystick. Là, c'est un genre de cadran qui apparaît. Ouais. Puis je pense que c'est une lutte joystick. C'était un peu comme ça dans les anciens aussi. Non, mais c'est ça. Mais les autres, c'était dépendamment de qu'est-ce qu'on voulait faire. C'était tout un petit peu compliqué. Selon, on enclenche le mouvement. Puis là, il y a comme une lutte de joystick. Okay. C'est très visuel à l'écran. Donc, okay. Ça a l'air plus simple. Ils ont aussi parlé de PGA Tour 15 FIFA 15. PGA Tour. Ouais, mais ça, de base, il doit avoir un mode normal. Oui, il y a un mode normal, mais je vais juste faire le parallèle. EA ont un studio qui s'appelle Criterion Game, qui est le studio qui est en arrière des excellents jeux de course Burnout. À part peut-être Burnout Paradise, que j'ai moins aimé, là, mais les Burnout, OK? Et là... Ils ont comme sorti le gros logo de Criterion Games. Là, tout le monde faisait comme « Oh yeah! Hey, il va y avoir un jeu avec de course à Criterion. » Ben non, Criterion a été sollicité pour PGA Tour 2015 pour faire des parcours extrêmes. Accidentés. Comme exemple, jouer au golf dans les îles du Panama là, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Non, c'est ça. OK. Avec un porte-avions qui détruit le terrain pendant qu'on joue. Là. Voilà ce que Criterion a fait. C'est un peu décevant. OK. Sinon, un petit peu d'infos sur Mirror's Edge 2. Surtout, je pense, de la conception du personnage, Fate. Ouais, puis en même temps, les images de gameplay qu'ils ont montrées, ben, c'est des images du premier Mirror Edge où ils faisaient des parallèles sur comment ils voulaient faire évoluer le gameplay. Parce que Mirror Edge 2, c'est un reboot. Ok, ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, ils disaient que la série Mirror Edge n'a pas donné le résultat qu'ils escomptaient, fait qu'ils voulaient comme reprendre la franchise pour sortir quelque chose d'autre. Excellent. Ben, c'est pas mal ça, en fait, pour EA. Sinon, deux nouvelles rapides avant de terminer l'émission. Grand Theft Auto 5 qui a officiellement été annoncé pour Xbox One, PS4 et PC, mesdames et messieurs. On en a parlé longtemps. Andrew était sceptique. Moi, j'étais non, mais ben, je vais dire la chose suivante. J'étais sceptique à cause des sources d'informations qu'on avait à l'époque. Oui. Et là, je vais réappuyer mon point. Là, ça, là, c'est une bonne source d'informations. C'est ça. Vous... Annoncé au E3, c'est pas pire. Là, vous pouvez... vous dire là, que ça sort sur PC. Non pas une capture d'écran avec un Kodak. Puis ce que j'ai vu pour l'annonce qui était faite pendant, ça va être disponible à l'automne 2014, mais ce qui a été annoncé pendant la conférence de Sony, c'est eux autres qui l'ont annoncé, que les gens qui ont un compte, qui ont un personnage sur PS3 et Xbox 360 pourront migrer leur personnage sur PS4. Donc, même si tu as une Xbox 360, mon vieux, tu t'es acheté ça, mais tu es rendu avec une PS4, tu peux garder ton perso. Puis tu as l'acheté version nouvelle génération. J'ai trouvé ça bon. Ouais. C'est une des plus grosses réactions que j'ai entendues dans la salle, en fait, quand ils ont annoncé ça. Puis PC, moi, je suis bien content. Moi, je l'ai sur PS3. Ce sera à voir si je vais me racheter... Alors, Marc, le temps que je m'achète une console, sûrement que le Grand Theft Auto 5 nouvelle génération va être moins cher, ça fait qu'à ce moment-là, je pourrais peut-être me le racheter. Mais ou t'as le pognon sur PC pour les mods. Ouais, peut-être, mais en tout cas, je verrai parce que je me fais pas mal déjà de fun là-dedans. On verra comment ça va être. J'ai vu, en tout cas, ils nous ont montré, la vidéo qu'ils nous ont montré, ils disent que ça a été pris à même le Game Engine in-game. J'ai pas vu de... J'ai hâte de le voir pour vrai. pas juste au E3 dans un trailer, genre de masser puis de voir des extraits. Parce que pour le moment, j'ai pas été flabbergasté par les nouveaux graphiques. Ça va être un portage, hein. Ça fait que c'est pas natif, ce sera à voir. Et sinon, c'était tout. J'avais rien d'autre. C'est Grand Theft Auto 5 dont je voulais parler. Donc voilà, mesdames et messieurs, ça fait pas mal le tour nous, ce qu'on a vu pour le E3, notre analyse, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé. Mais comme vous avez pu voir, on a été très heureusement. On a été surpris et agréablement surpris. Cette année, pas beaucoup de mauvaises notes à donner aux gens. On n'a parlé que de jeux, des belles annonces, des fois qui s'en viennent un peu tard, mais quand même, des belles annonces, des bons jeux qui s'en viennent. J'ai pas été déçu. J'ai pas grand-chose à dire de négatif sur ce qui s'est passé, à part de la longueur des conférences de Sony puis de Microsoft, mais sinon... Félicitations pour le 3, il reste une journée et demie à peu près. Donc, surveillez quand même les autres annonces qui s'en viennent. On regardera ça peut-être pour la semaine, l'émission de la semaine prochaine, s'il y a des restants. On fera les restants du E3. Mais sinon, c'est pas mal ça. Écoutez, mesdames et messieurs, vu que c'est la fin de l'émission, c'est aussi le temps de dire qui a gagné le concours de la semaine passée. Et passer ton message d'intérêt public. Oui, mais en même temps, avant de dire qui a gagné le concours de la semaine passée, qui gagne entre autres le calendrier de My Little Pony, qui est fait par Véronique Thibault, alias Pink Vivi, juste vous dire, les instructions sont assez claires dans l'image. C'est une photo que vous devez partager. C'est une photo de puissance maximale. Ce qu'on vous demande de faire, mesdames et messieurs, puis c'est vraiment pas compliqué, c'est inscrit, mais je le répète, parce qu'il y a des gens qui l'ont pas compris. Vous devez aimer la page de Puissance Maximale et la page de Pink Vivi. Et également, il faut partager l'image qui est sur la page de Puissance Maximale, donc l'image de la semaine. Parce que si vous n'aimez pas Puissance Maximale ou Pink Vivi, ben vous pouvez, même si vous partagez l'image, ben vous ne gagnerez pas le concours. Il faut aimer les deux pages, premièrement. À moins que vous voulez juste partager pour le fun de partager et que vous ne voulez pas gagner. Mais tant qu'à ça, j'aimerais mieux que vous participiez. C'est ça le but. Et aussi, quand vous partagez cette image-là, assurez-vous que ça soit public. Parce que moi, il y a beaucoup de gens à la fin de ma liste qui. Là, ça marque que je ne peux pas voir tous les partages parce qu'à cause des settings de privés, il y a certains gens. Je respecte ça. Mais si vous partagez l'image, arrangez-vous que ce soit au moins public. C'est une petite planète qu'il faut changer. C'est ça. Juste pour cette image-là, parce que moi, je peux. On ne peut pas voir qui est-ce qui l'a fait. Puis après ça, pour ramasser les noms pour le tirage, ben vous ne serez pas dedans, tout simplement. Donc, tu as un petit rappel comme ça pour être certain que tous les gens qui veulent participer puissent s'inscrire et qu'ils soient éligibles au concours. Mais pour le concours de la semaine passée, c'est Mme Béatrice Paquette qui a gagné le petit kit My Little Pony. Donc, j'envoie le nom directement. En fait, je vais contacter Mme Paquette pour lui demander ses coordonnées. Et Pink Vivi va s'occuper de t'envoyer tout ça. Donc, félicitations, Béatrice, pour le concours. Et celui de la semaine prochaine est déjà en cours. Et là, on parle de goodies plus rétro, en fait, avec Pac-Man, entre autres, Tetris, Space Invaders. Donc, c'est déjà en cours depuis aujourd'hui. Vous pouvez aller dans la section photo de Puissance Maximale et la partager, cette photo, pour avoir une chance de gagner ces beaux produits. Donc, voilà, faites-le dès maintenant. Sinon, c'est maintenant la fin de Puissance Maximale, mesdames et messieurs. Je tiens à remercier M. Andrew Castegan à la console. Merci, Andrew. C'est toujours un plaisir. Et mon nom, moi, est Mickaël Michaud, votre animateur. Toujours content d'être là chaque semaine pour vous parler jeux. Sinon, rendez-vous bien évidemment sur le www.puissancemaximale.com pour écouter toutes nos anciennes émissions, podcasts et entrevues. Rendez-vous bien évidemment sur la page de Puissance Maximale sur Facebook. Aimez-la, bien évidemment, si vous voulez participer au concours, mais aussi pour recevoir le plus d'informations possible rapidement sur l'émission et aussi avoir accès rapidement à tout ce qui est posté pendant l'émission, justement, les trailers, les photos qu'on peut poster. Profitez-en, allez aimer la page de Puissance Maximale et partagez-la auprès de vos amis geeks qui ne connaissent pas cette émission. On est bientôt à 500. Bientôt à 500, puis en plus, c'est la meilleure émission que vous pouvez trouver de toute façon. C'est ça. Il faut le dire. Pas de fausse modestie. Voilà, c'est ça. Sinon, on vous rappelle de participer au concours. On vous rappelle que c'est les journées ludiques en fin de semaine. Allez-y. Allez au Pub La Revanche. Allez acheter vos passes pour le Geekfest également. Et sinon, je vous souhaite, on vous souhaite, comme à chaque semaine, une excellente semaine de jeu. Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal and things, we use these as a reference tool.